Blouse blanche dans la sainteté, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes sorti de la. Vous êtes sorti de l'urgence ce soir en retard, quoi. La sœur, bonsoir. Bonsoir, mon frère. Ça va? Ça va, tout le monde. Ça va, mon frère, et toi? Ouais, je vais toujours très bien par sa grâce infinie. Là, aujourd'hui, non seulement ta connexion est parfaite, ton image est parfaite, ton son est parfaitement parfaite. Waouh! On dirait que tout cela a été passé au scanner dans une urgence urgente. Ça, je reconnais ma maison en Allemagne. Ça, en Allemagne. La sœur Monique, bonsoir et bienvenue dans Blues Bank dans la sainteté. Ça va? Voilà. Tout à l'heure, à 1h, heure de Douala au Cameroun, on se retrouve également dans le cadre de Canada dans la sainteté, n'est-ce pas? Ouais. Ce n'est qu'une partie remise. C'est là où tu vas bien t'exprimer. Parce que comme ici, il y a beaucoup de spécialistes, tu n'oses pas trop t'exprimer. Le célébrissime frère Yassine, bonsoir et bienvenue, dont l'expertise fait pleuvoir et donne le désir à certaines personnes de pratiquer la médecine. Pour d'autres encore, ça les pousse encore à bien réfléchir pour s'y prononcer. Frère Yassine, bonsoir et bienvenue. Bonsoir mon frère, bonsoir mes soeurs et mes frères, que Dieu vous bénisse. Les frères bougent seulement la tête, ils disent ok. Le frère Ibaba, mon frère bien-aimé, celui que j'aime. Mon frère est descendu et le père de ma fille. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir mon frère bien-aimé. Bonsoir à tout le monde, à toutes mes soeurs, tous mes frères. Bonsoir à tout le monde. Heureux de parler encore ce soir. Voilà. Donc il fut un temps, le frère Iba, que voilà, traumatiser les gens avec une série d'enseignements postés sur Bamba Iba. Cette fois-ci, les gens m'appellent et disent qu'est-ce que Frère Iba fait, pourquoi il ne publie pas les enseignements depuis. Ce n'est que partie remise. D'accord, frère? Que le Seigneur te bénisse pour l'épineux travail que tu fais, qu'il se souvienne de toi ce jour-là et qu'il t'accorde la grâce qu'il a réservée pour toi, pour ce jour-là et pour tous ceux de la famille que tu aimes et que tu as toujours chéri. Amen. J'essaie une chose, nous serons présents ce jour-là. Notre travail n'est pas vain. Nous y serons, à coup sûr. Nous y serons. Parce que nous ne faisons rien pour nous plaire, nous ne faisons rien pour plaire au monde, mais nous servons le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Le frère Cyril, le seul médecin qui est prêt à dire la vérité crûment, même à son chef. Au mieux encore, de leur dire, appeler du nom de chacun et son chat. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci beaucoup. Bonsoir à tous. Bienvenue. Que le Seigneur te bénisse. Comment tu vas, frère? Non, ça va, pas de climat, ça va. Ok, donc les médecins sorciers n'ont pas inventé un autre vaccin encore pour nous déranger, n'est-ce pas? Ah, on sera. Que le Seigneur te bénisse. Voilà. Le texte original du serment dit d'Hippocrate, que l'on peut considérer comme le texte déontologie, ou mieux de la fondation de la déontologie médicale, contient la phrase: je ne remettrai à personne du poison si on m'en demande, ni ne prendrai l'initiative d'une pareille suggestion. De même, je ne remettrai à aucune femme un percer abortif. Un percer abortif. Rappelons que c'est quoi, ils appellent percer ou bien percus, c'est tout médicament désignant tout type de médicament devant être introduit dans le vagin ou bien de l'anus d'une femme. Alors, ce serment dit d'Hippocrate ne traduit pas ici, dans cette phrase citée dans ce serment, ne traduit-il pas ici un aveu et un décret de la part des médecins d'interdire dans leur propre conscience l'avortement? Mes frères médecins, le décor est planté. Bonsoir, prenez le panel et puis discutez-en. Que pensez-vous donc de ce serment d'Hippocrate, cet extrait du serment dit d'Hippocrate, qui est, d'après ce qu'on confirme dans la médecine, le texte fondamental de la déontologie médicale dont vous faites partie du corps? Frère Iba, tu as la parole. À tout Seigneur, tout honneur. Permettez-moi de saluer le président de Darmstadt, Bon, comme il croit qu'il n'a pas d'écouteur, a-t-il l'écouteur? Il nous entend? Il t'écoute. Ok, le président, bonsoir. Que Dieu te bénisse. Voilà, nous sommes ensemble. Nous voici en plein dans la médecine maintenant. Alors, frère, tu as écouté cet extrait du serment d'Hippocrate qui dit, je cite encore une fois de plus, je ne remettrai à personne du poison si on m'en demande, ni ne prendrai l'initiative d'une pareille suggestion. De même, je ne remettrai à aucune femme un percé abortif. Et ce percé abortif, c'est ce qu'on appelle percé là-bas, c'est tout médicament désignant ces styles de médicaments qu'on met dans le vagin ou dans l'anus d'une femme. Et on dit percé abortif, donc médicament sous-entendu pour mettre dans le vagin des femmes pour la faire avorter. Je recommence encore, ne traduit-il pas ici cette règle d'or qui voudrait que chaque personne qui sert dans votre corps soit consciente de cet effet? L'avortement, frère Iba. Ben, écoute, merci beaucoup. C'est clair hein, que c'est une contradiction, mais ils te diront que la médecine, enfin le temps a évolué par rapport à la période où ce serment a été prononcé, a été voilà carrément, enfin comme a été comme on appelle ça. Il faut actualiser. Voilà. Donc, en Donc fait, ils ont dit c'était hors de l'époque, quoi. voilà, c'est dépassé. Peut-être certains aspects sont dépassés. Aujourd'hui, avec l'évolution, il faut actualiser. Il faut protéger les femmes parce que l'avortement a toujours été là. Donc, maintenant, il vaut mieux bien réglementer pour que, voilà, les femmes meurent moins. Donc, ils trouveront toujours des explications. Voilà. Donc, merci pour ton propos liminaire, frère Yassine. Oui, tu as la parole. Avec son micro. Le micro, oui, le micro, je pense, le micro a certainement des problèmes. Vous m'écoutez? 5 sur 5 maintenant, c'est bon. Ok, d'accord. Oui, comme le frère Iba l'a si bien dit, ce sont des propos à les écouter qui sont contradictoires. Et bon, le frère Iba a bien dit, c'est que c'est contradictoire. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est généralement, on voit des explications que la médecine évolue et puis la situation fait face à de nouveaux problèmes. Et voilà. Donc, et puis, y a rien à dire, c'est contradictoire, pour répondre de manière très simple. Frère Cyril, j'imagine que le thème sorcier sortira dès maintenant à l'introduction. Non, non, pas directement. Pas directement. Disons que. Bon, ça voudrait tout simplement dire que la médecine s'est éloignée de son credo initial, Oui. de sa vocation initiale. Et c'est profondément perverti au cours des années. Même si, comme le frère Iba a dit, il utilise toute forme d'argument, de rhétorique pour nous expliquer que ce qui était au départ non concevable devient concevable parce que il faut soi-disant aider les femmes qui voudraient, pour quelque raison que ce soit, interrompre ou bien interrompre une grossesse ou bien se faire soignant que guérir. Donc, c'est assez clair, hein? À tout Seigneur, tout honneur, celle qui vient dans des cérémonies sortant du palais et vient en dernier lieu lorsque la mise en place de la population a été déjà faite, celle-là on les appelle les reines et les reines sortent des palais. Alors, ces reines, quel commentaire fais-tu de ces serments dits d'Hippocrate? Mon frère, tu as bien voulu dire d'hypocrite. En fait, c'est ça. Oui. Dans cette tautologie, cette ambiguïté poussée par le Saint-Esprit, alors tu veux dire. Ah, c'est clair et net. C'est vraiment un serment d'hypocrisie, c'est tout. Un serment d'hypocrisie. Ouais. Oui. Donc je crois que le résumé est bien fait par celle qui est au palais. Parlant du palais, le 10 décembre 1958, 58 États membres étaient réunis au palais de Chaillot à Paris pour adopter ce qu'il est convenu d'appeler la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et dans son article 16, alinéa 3, stipule que la famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'État. La famille est l'élément naturel. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'État. Cette déclaration, jadis, du 10 décembre 1948 à Paris, a fait rebondir beaucoup de cœurs et a donné espoir à toute une famille, mais dans ce même continent, comme nous allons voir dans certains extraits vidéo que nous allons voir maintenant, avant de développer le sujet dont nous sommes en train de voir. Je rappelle que pour ceux qui viennent de nous joindre et qui nous écoutent sur Bambayeba, nous développons ici, en ce jour, le thème de l'IVG dont les spécialistes vont en définir, donner la définition avant de nous dire comment ça se pratique et puis nous expliquer les différentes définitions et les formes de cette pratique-là. Et puis on va s'étendre sur les expériences de ces médecins-là, si elles ont déjà rencontré des gens qui sont venus les consulter pour prendre une pilule ou un conseil sur un après grossesse, comme ils appellent l'après avortement dit clandestin. Et on va s'étendre également en leur posant des questions titillantes s'ils étaient à recommencer ou bien s'ils doivent faire cela dans leur métier et si ça leur était imposé, quelle position doit-ils prendre, comme naturellement nous les posons ici pour confronter leur foi chrétienne. Et par la suite, nous allons sortir avec les conseils que eux-mêmes vont donner au corps médical, aux jeunes filles qui veulent la pratiquer. Et à celles qui l'ont pratiquée, ils joueront le rôle des psychologues ici, des remontrances pour pouvoir dire que ce n'est pas terminé. Et ensuite, ils parleront non seulement aux gouvernants qui ont voté cette loi-là pour donner la pensée de Dieu. Et nous sortirons en dernier avec les questionnements sur la parole de Dieu. Si ces personnes qui ont voté cette loi ont consulté Dieu, ont mis Dieu de côté ou bien ont pris en compte la crainte de Dieu pour initier leur loi et voir que en réalité, c'était dans le plan de Dieu que ça se passe ainsi. Voilà ce qui va meubler tout autour de cet enseignement aujourd'hui concernant à l'IVG. L'IVG dont nous allons devenir la définition tout à l'heure. Donc, chose qu'il disait tout à l'heure, dans ce palais dont de Châtillon a été votée cette loi dont on a parlé de la famille. Cette dislocation de la famille est totalement en contradiction avec les principes même fondamentaux de l'universalité des droits de l'homme, de la déclaration d'universalité des droits de l'homme. Nous constatons depuis, déjà à partir le 17 janvier 1975, la loi dite de Simone Veil, qui a promulgué en France la loi sur l'interruption de la grossesse volontaire, a amené la décadence dans la famille, non seulement sur ce plan-là, mais aussi la loi, et comme chose promise, chose due, c'est toujours les femmes avec le féminisme qui vont envoyer ces changements-là. Christiane Taubira, qui est issue des Antilles, va introduire en France, dans les années de 2000, soutenant comme ça, pendant 8 ans, près de 8 années, cette politique-là du gouvernement pour imposer le mariage pour tous, à l'humanité. Et cette vague défaillante va circuler dans l'Europe. Cette Europe qui, jadis, particulièrement la France qui parle de la fraternité et le pays des droits de l'homme, va voir maintenant petit à petit le satanisme entrer sous la houlette de la liberté et le libertinage, disloquer la famille dont la Déclaration universelle des droits de l'homme dit plutôt dans son article 16 alinéa 3 que les sociétés et les États se doivent de la protéger. Nous constatons donc plutôt les dislocations. Et dans cette même Déclaration universelle des droits de l'homme, en son article 3, stipule que tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Tout individu a droit à la vie. Nous allons revenir dans le développement en regardant si l'interruption d'un fœtus ou bien sur quelque plan que ce soit de son évolution n'est pas une interruption à la vie. Et là, nous allons sortir avec le questionnement de notre reine ce soir. Comme elle a dit, c'était des sermons d'hypocrite. On va voir si une fois de plus, les gens ne sont pas en train de nous tromper avec leur hypocrisie, en prononçant des textes qui sont clairs et propres, et en pratiquant et en votant autre chose de façon individuelle sur le plan européen. Voilà ce qui va meubler ce soir. Bonsoir et bienvenue. Que Dieu vous bénisse et installez-vous confortablement. He's your healer. Let's sing it to him. You are the God that healed me. You are the God. les spécialistes de la médecine chrétienne. Bonsoir encore et bienvenue dans Blouse Blanche de la Sainteté. Bonsoir à tous. Voilà. Bonsoir. La sœur Loris qui vient de nous joindre, bonsoir et bienvenue. Nous avons parlé de l'hypocrisie ici et dans la suite, tu découvriras ce que nous allons parler. Alors, je pose la première question ce soir concernant la définition IVG. C'est ce qu'on entend dans cette rhétorique de ce que nous avons fait vu en introduction sommet ici. Qui prend la parole? C'est quoi IVG pour ceux qui nous écoutent maintenant? Qu'est-ce qu'on appelle par IVG? Je crois que c'est mieux qu'on parle de la parole. Le frère Yassine, je crois qu'il faut se jeter à l'eau. Il ne faut pas regarder le coude en disant que c'est profond. Jetons-y. Allons-y, plonge-toi dans l'eau, mon frère. Bon, au fait, l'IVG, le mot dit, c'est une interruption volontaire de grossesse. Et c'est un terme qui désigne généralement un avortement provoqué. Bon, dans certains cas, on dit pour des raisons non médicales, mais souvent du fait d'un non-désir de grossesse, quoi, dans un cadre légal. Oui, ok. Donc, ça veut dire que c'est l'interruption volontaire de la grossesse, d'une certaine façon, que ce soit de façon légale ou bien clandestine. Exactement. Frère Bay, a-t-il quelque chose? En fait, c'est de façon légale, oui. Mais les raisons sont non médicales. Les raisons sont non médicales. Ok. Quelles peuvent en être les raisons de l'interruption volontaire de la grossesse, des grossesses? S'il y a d'abord quelque chose à ajouter par rapport à la définition telle que donnée par notre bien-aimé Hassan. Oui, je pense que la définition, elle est correcte. Et alors, quelles peuvent être les raisons? Il a dit, c'est des raisons non médicales. C'est-à-dire que, par exemple, la personne peut évoquer des raisons sociales. Oui. J'ai pas de moyens financiers pour m'occuper d'un enfant actuellement. Je suis pas très prêt. Pas de travail, etc. Voilà. Il a dit aussi, parce que, c'est une grossesse non désirée. Ou bien, voilà, on m'a violé et je suis tombé enceinte et tout, voilà. Oui, mais frère, sur ces bases-là, on voit quand même des gens qui ont des enfants, des familles de quatre enfants qui, après le cinquième enfant, ils n'en veulent pas. Des parents qui disent, un homme par exemple qui dit à sa femme que je ne voudrais plus que qu'on ait des enfants. J'en ai déjà marre comme ça de ces deux-ci, mais casse les pieds dans ces maisons-ci. Et si tu tombes enceinte, tu vas prendre les responsabilités. Elle tombe enceinte et cet homme-là lui demande d'avorter, sinon il va quitter la scène. Ça fait partie des raisons non médicales. Oui. C'est-à-dire que en fait, toutes les causes médicales, ce seraient des causes qui mettent en danger la santé de la mère ou même aussi de l'enfant. Donc, justifier que le mieux serait d'interrompre cette grossesse plutôt que de la conduire à terme parce que soit la santé, la l'état de la mère est engagé, c'est-à-dire qu'elle risque d'en mourir. Oui. Ou alors, on peut naître avec des anomalies fœtales qui ont été déjà décelées avec les différents bilans de grossesse qui ont été faits. Oui. Donc, voilà. La sœur Reine. Oui, effectivement, l'interruption volontaire de grossesse, comme le frère a dit tout à l'heure, il y a les différentes raisons. Elles les ont données, hein, comme tu disais aussi toi-même, frère, qu'il y a des maris, effectivement, qui demandent à la femme d'avorter parce qu'au quatrième enfant, il n'en peut plus, peut-être parce qu'il n'a pas des moyens ou parce que quatre enfants, c'est assez pour s'en occuper. Il y a des femmes qui décident, voilà, elle dit peut-être pour sa carrière, par exemple, elle dit, bon, voilà, elle tombe enceinte, elle te dit, c'est pas le moment d'avoir un enfant, donc voilà, je me permets d'aller avorter. Donc, il y a ces raisons-là qui poussent des femmes à faire des interruptions volontaires de grossesse. Comme le frère disait aussi, le viol, l'inceste, tout ça. Les problèmes financiers aussi. Il y a des gens qui ont des problèmes financiers, voilà. Elles tombent enceintes. Ou bien des problèmes de couple. Des problèmes de couple, peut-être, elles se retrouvent enceintes Entre-temps, elle est en train de se séparer, elle se sépare, elle ne sait pas qu'elle est enceinte, et voilà, elle se retrouve avec un enfant, elle est mère célibataire, elle se dit, voilà, je ne peux pas m'occuper d'un enfant, tout ça, je préfère l'avorter. Ça, c'est plus ou moins les différentes de raisons des interruptions volontaires de grossesse maintenant. Il y a des interruptions médicales qui vont appeler avortement thérapeutique. Ça entre dans un autre cadre. Comme le frère disait, souvient tout à l'heure, des malformations congénitales, qui sont les causes au niveau de l'enfant, qui pourraient pousser une femme à avorter. Ou si on voit que effectivement la vie de la maman est en danger, voilà, on préfère qu'elle avorte. Mais ça, c'est d'autres causes. On va dire, il y a des causes médicales, en fait, pour pouvoir pousser à l'avortement. Voilà, voilà. Merci, ma chère sœur. Tu es digne d'être appelée reine. Tout juste à côté d'elle, devant mon écran, la sœur Monique, qu'est-ce que tu en dis par rapport à l'avortement? Je crois que son micro est fermé là. Oui, je crois que j'ai juste fermé à cause des enfants. Oui, oui. Donc lâche la bombe rapidement, tu fermes le micro alors. En tout cas, je trouve la sœur, elle m'a dit tout à l'heure. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas une bonne chose. Oui. C'est vrai qu'il y a certaines personnes, certaines filles, certaines filles ou certaines femmes qui s'encouragent à le faire parce que jusqu'ici, elles n'ont pas encore vu les conséquences de ce que ça apporte de le faire. Oui. Nous allons voir ça dans la deuxième partie lorsque nous allons toucher à cette conséquence-là, à quel risque. Ce livre des gens qui pratiquent ces interruptions volontaires des grossesses. Mais je reste sur toi particulièrement, ma chère sœur. Comment tu perçois en tant que femme l'interruption de la grossesse? Comment tu perçois cela en tant que femme avec les enfants? En regardant tes enfants à toi, t'es-tu déjà imaginé si j'avais interrompu cette grossesse et cette autre grossesse-ci? Ces bambins que je suis en train de regarder là, qui sont les anges là, je les aurais aujourd'hui jouant avec, même comme ils font le bruit souvent pour déranger un peu dans les enseignements là. C'est comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment une mauvaise chose. Celui qui ne se projette pas ne verra pas que c'est une mauvaise chose. Il aura l'impression que c'est bien normal. Et puis, quelque part, il faut aussi avoir un amour, l'instinct maternel. Voilà. Moi, quand je vois mes enfants, je me dis, mais si je les avais avortés, c'est vrai que je crie, c'est vrai que des fois j'ai l'impression qu'elle me casse la tête, mais si j'avais interrompu cette grossesse, comment je me sentirais? Je suis sûre que pas bien dans tous les cas. Nous allons voir également que les psychologues en parlent à la suite de l'interruption volontaire de grossesse sur l'état de la sexualité, non seulement la sexualité, mais la confiance en soi. Nous allons voir si le Seigneur le permet de faire cet autre aspect. Un autre qui vient de nous rejoindre maintenant, il s'appelle Gaël Tengue, du côté de l'Italie, et ce sont eux qui fabriquent des médicaments dans les laboratoires pour faire avorter les femmes. Je ne dis pas qui a fait avorter les femmes. Le laborantin de la soirée, bonsoir et bienvenue mon frère bien-aimé. Je crois qu'il est avec le thé au laboratoire en train de faire le test de manganèse sur le chlorure de potassium. Le frère Gaël nous entend. Son laboratoire a des murs épais et donc par conséquent les ondes de net ne sont pas facilement fluides là-bas. Alors le frère Gaël, tu nous entends? Bonsoir et bienvenue dans Blues Brand de la sainteté. Certainement, il doit être concentré dans les tests du laboratoire. Alors, mon frère bien-aimé, tu nous entends? Bonsoir, si tu nous entends. Bonsoir et bienvenue dans notre espace consacré à la médecine. Ah, le frère Cyril, on ne le voit pas là, ce qui fait que j'ai du mal à le repérer sur l'écran. Est-ce que le frère Cyril, là, on ne le voit pas du tout? Voilà. Alors, le frère Cyril, sur tout ce qui a été dit par tes compères ici et tes frères, qu'est-ce que tu as encore ajouté avant qu'on touche maintenant les différentes phases, enfin les différentes méthodes d'interruption volontaire de la grossesse telle que la médecine le prévoit? Oui. En principe, nous, pratiquement tous les cas les cas, enfin, la raison pour laquelle interrompre une grossesse pour des raisons non médicales. Hein. Oui. On peut épiloguer si nous ne nous que cas particulier, mais bon, en principe, ils ont tout dit. Hein. Mmh. Alors, je commence donc par toi. Comment se pratiquent les. Quelles sont les différentes phases, les différentes manières de l'interruption volontaire de grossesse sur le plan médical? Comment ça se passe? Quelles sont les différentes interruptions volontaires de grossesse dont la médecine fait état? Quelles sont les différentes façons de tuer un enfant? On va y revenir. Si c'est un enfant qu'on va tuer, on va revenir là-dessus tout à l'heure. Bon, à ce niveau, il y a, je veux dire, deux processus. Je veux dire, majeur. Mmh. Actuellement, il y a plusieurs, au cours des années, ils ont développé des techniques un peu plus sophistiquées. Enfin, plus sophistiquées. Mais en gros, c'est presque deux méthodes qui consistent d'abord à. En fait, une méthode médicamenteuse, c'est-à-dire qui se fait avec les médicaments. Donc le patient prend du médicament et consomme le médicament pour faire expulser le fœtus. En fait, pour créer une forme de liquéfaction, quoi. Pour détruire le fœtus en forme de liquide et que ça coule. Et maintenant, on combine selon la taille du fœtus avec le curetage. Pour ceux de non-initiés dans la médecine, au langage de la médecine comme nous, qu'est-ce que c'est que le curetage? Pour ceux qui nous écoutent. Le curetage, c'est comme si tu ouvres une pastèque, tu prends la cuillère et tu retires le rouge là. Ça, c'est un médecin, ça. Tu sais pas le rouge de la coupe. Ouais. C'est-à-dire que tu on grattes, on tu gratte. Sais pas quoi. Tu retires seulement. Indépendamment des dommages que tu apportes à la base de. Enfin, sur le cas de la pastèque. Enfin, l'essentiel, c'est de raquer toute la partie rouge pour libérer les lieux. Et donc, c'est cette pratique qui est faite à l'intérieur de la dentée utérine, là où se loge l'enfant ou bien le fœtus, dans le corps de la femme, pour faire expulser tout cela. Oui. C'est terrible. Bon, je reste avec toi. Tu le ferais, ça, cette action-là? Oh, vraiment, ça, on va pas vraiment se mentir. Hein. Ça, c'est. Je suis pas partant. Hein. Je suis pas partant. On va revenir dans la suite de la chose. La sœur Reine, je ne sais pas si le frère Gaël est là connecté. La sœur Reine, d'après ce que j'ai pu constater ou bien entendre de certains spécialistes, il y a aussi l'interruption volontaire de la grossesse par aspiration. Comment ça se pratique comment ça se fait dans la pratique, l'aspiration ici? Mais en fait, l'aspiration, c'est une méthode chirurgicale. Hein. Donc, en général, ils donnent des médicaments pour dilater d'abord l'utérus, le col de l'utérus. Et en général, ils peuvent le faire par anesthésie, pas forcément par anesthésie générale, mais en général, c'est par anesthésie locale. Donc, ils donnent des médicaments pour la dilatation du col de l'utérus. Et à l'aide d'une petite canule, la canule, c'est comme des petits tuyaux. De vraiment de petits diamètres. Ils vont utiliser ça, ils vont aller au niveau dans l'appareil génital de la femme et c'est par là qu'ils vont aspirer en fait le fœtus. Donc c'est vraiment une toute bête méthode, hein, très simple qui ne coûte rien. Et du coup voilà, c'est plus ou moins ça la technique en fait. Freiba. N'y a-t-il pas aussi les injections que vous prescrivez ou bien vous injectez les patients pour faire couler pour tuer l'enfant? Bon, si, en principe, les frères ont parlé des différentes techniques, donc médicamenteuses, où on donne des médicaments effectivement pour empêcher eux, donc, de progresser, de mourir et finalement d'être expulsé. Et puis l'autre, voilà, dont on parlait tantôt, donc avec une grosse seringue en fait. C'est ça, c'est la méthode chirurgicale dont la sœur Reine parlait, puisque moi je l'ai déjà vu faire deux fois. Tu as vu la sœur Reine faire ça deux fois? Non, pas elle. Ok. J'ai fait ma thèse en gynéco. Oui. Et donc, j'ai vu faire ça deux fois. La première fois, effectivement, j'ai supporté. Oui. Mais la seconde fois, j'étais dans la salle et, écoute, j'ai commencé à avoir une forte migraine, vertige, nausée. Je suis sorti de ça. Je suis revenu. J'ai dit que bon, peut-être que c'est parce que c'était peut-être l'hypoglycémie et que j'avais pas mangé ou quoi. Je suis revenu, même chose. Quand je sors de la salle, ça passe. Quand je reviens, ça reprend. Donc, je suis en arrivé à la conclusion que c'était quelque chose que, dont je devais m'éloigner. Et là, celui qui le faisait tout naturellement. Il n'a pas de vertige. Il était bien vigilant. Il avait l'habitude de le faire, donc il n'y avait aucun problème. Ça ne lui dit absolument rien. Oui, c'était un année, mais bon, voilà. Voilà. Nous voyons ces 12 ans, ces 12 petites filles dont la sœur Monique nous présente sur notre écran. Je crois que vous les voyez là-bas, ces 12 jolies filles. Elles m'inspirent à poser une question fondamentale avant que nous avancions ce soir dans le sujet qui nous réunit ce soir. Vous permettez, je pose la question. Alors, vous êtes les médecins. Beaucoup d'entre vous avez étudié beaucoup le serment d'Hippocrate. Alors, je pose la question. Ces enfants que nous voyons devant notre écran, à quel moment elles ont une vie? C'est-à-dire, quelle est la période des gestations du commun état et à partir de quel moment il y a la vie? Je veux que nous répondions à cette question avant d'avancer dans ce développement. Chacun doit répondre. La sœur Loris. Oui. Alors, à quel moment y a-t-il vie dans la période de la conception jusqu'à la fin? Lorsque l'enfant sort, comme on voit là, elle a la vie. À quel moment de la conception, l'enfant, on peut dire qu'ici, il y a vie? En semaine ou en jour? Vie. Que ce soit en seconde ou bien en tierce. Puisque dans la durée, il n'y a pas que le jour et la semaine. N'est-ce pas, ma soeur? Parce que le jour est constitué de beaucoup d'heures et les heures sont constituées de beaucoup de minutes et les minutes sont constituées de beaucoup de secondes, n'est-ce pas? À quel instant T il y a vie dans l'organe qui sera déposé dans le corps de la femme et qui va développer, suivre son développement au cours de la gestation jusqu'à maturation et jusqu'à son expulsion. C'est une expulsion naturelle à l'issue de 9 mois. Pour moi, je pense que dès que... C'est en période de l'ovulation, dès qu'il y a, si c'est une grossesse désirée, dès qu'elle a son retard, hein, parce qu'on ne peut pas toujours savoir. Hein. Donc, si elle n'a pas désiré, si elle est allée en boîte de nuit et puis elle a couché avec un inconnu, elle est tombée enceinte, comme elle n'a pas désiré, elle n'a pas encore vu quoi. Elle n'a pas encore vu, elle ne sait pas qu'elle est enceinte aussi. Oui, elle ne sait pas qu'elle est enceinte, mais est-ce qu'elle en demeure moins qu'il y ait la vie là-bas? Elle a une vie. Même si elle ne sait pas, il y a une vie. Hein. Voilà. Donc, ça veut dire que, qu'elle soit consciente ou non, il y a une vie, mais elle ne connaît pas l'instant où il y avait la vie. Voilà. Voilà. Merci. Voilà. Merci, ma soeur, pour ta franchise. On arrive ce soir. Je vais vous poser des questions blessantes, mais nécessaires pour qu'on puisse bien avancer. Vous permettez, n'est-ce pas? Mon rôle, c'est de faire que la vérité éclate pour qu'on puisse voir et que les gens t'en soient éclairés. Et vous êtes là pour nous éclaircir. Et je rappelle encore pour tous ceux là qui ont besoin de cours sur la cause médicinale. Les frais sont là, il faut répondre. La consultation ici est gratuite. On ne prend pas de rendez-vous. Vous appelez souvent, vous regardez Bamba et Bas. Les vidéos sont là au nombre de plus de 950. Regardez et notez les numéros qui sont contactés. Les frais Bamba et Bas, tous les autres frais que vous entendez ici, les spécialistes. Ce qui est sûr et certain, c'est que comme vous avez écouté dans le cadre de l'euthanasie, la sœur ne tuera plus. Et ces gens, s'ils ne vous tueront pas, ça veut dire que ne faites-leur confiance. Ils sont les médecins chrétiens, ils ne tuent pas. Ils donnent conseil pour donner la vie. N'est-ce pas, ma chère sœur Reine? Amen. Voilà. Alors, je reste avec toi, ma sœur. Et il faut que tous les médecins qui sont ici présents nous répondent. Et pour que les gens savent une fois pour toutes. À quel moment de la conception, de la gestation, à quel moment il y a la vie? Apparaît la vie. Au moment où la gamète et la gamète elle-même se rencontrent. Oui. Lorsqu'il y a fécondation. Lorsqu'il y a fécondation. Le frère Cyril. Oui, comme la sœur a dit, les deux sœurs ont dit précédemment, quand à la rencontre directe, la vie est communiquée. Hein. Voilà. Le frère Yassine, peut-être le frère Yassine, y a-t-il pas un médecin qui a lu le serment d'Hippocrate autrement pour nous donner une autre version? À quel moment, frère Yassine, y a-t-il vie dans le sein de la maman? Bon, je crois que je vais m'aligner. Hein. Donc, tu n'as pas le choix que de dire la vérité. Oui. Ah, ben, c'est ça, hein. Donc, ça veut dire qu'il y a vie lorsqu'il y a la fécondation. À l'instant, il y a fécondation. Le frère Iba, il fait le tour de la table pour que chacun nous donne qu'on nous donne la vraie vérité, c'est soit avant qu'on avance. Parce que c'est ceci qui va meubler toutes les autres choses que nous allons développer tout maintenant. C'est ça. Oui. En fait, je pense que c'est ta question est tellement importante puisque c'est à partir de justement cette notion de viabilité. Je veux dire qu'on a les différentes terminologies hein, qui apparaissent dans l'avortement et on dit que c'est autour de 20-23 semaines que le fœtus est viable. Donc, dans des sociétés assez, enfin, où le plateau technique est assez évolué, il peut permettre que l'enfant, même s'il est sorti à cet âge-là, hein, donc aux environs de 23 semaines, 23 semaines par là, ils peuvent le maintenir en vie jusqu'à ce qu'il Qui puisse... continue son développement. Voilà. Bon, c'est extrêmement difficile, nous, dans nos contextes ici, mais voilà. Donc, c'est un peu ça, c'est autour de 23 semaines qui parle de viabilité. Mais en réalité, Oui. nous, on sait très bien que dès qu'il y a contact, qu'il y a fécondation entre la gamète mâle et femelle, c'est fini. En ce moment-là, il y a vie, l'esprit est là. Donc, voilà. Voilà, je reste avec toi, frère Iba, parce que là, il semble avoir une ambiguïté ou bien une fuite en avant pour pouvoir justifier une interruption brusque avant ces 23 semaines. Alors, qu'est-ce qu'ils appellent par viabiliser cette vie à ce moment-là? Ça veut dire qu'avant ces 23 semaines, cette boule de chair-là, cette boule de liquide-là, c'est quoi? Ben, on te dira que d'abord c'est un œuf et après ça devient un fœtus, voilà. Oui, dans ces étapes, Donc, est-ce que ce n'est pas vivant? Est-ce qu'il n'y a pas, ça n'a pas qualité de vie? en fait, ça vit, mais bon, voilà, ils considèrent que avant ça, si on fait sortir ce produit de conception, ça sera difficile de le mener à terme. Il veut d'abord le faire sortir pourquoi d'abord? Voilà. Bon, en fait, si par exemple il y a un problème particulier Oui. et que finalement la maman a un accouchement prématuré, Oui. voilà, donc à cet âge-là, voilà, au moins ils se disent qu'avec tout ce dont on dispose, on peut le mener à bon port. Et donc, c'est sur la définition et sur cette quoi, charte-là qu'ils ont décidé de dire, comme ils ne peuvent pas le maintenir avant ce temps-là, alors il n'y a pas vie. Voilà. Donc on parle de viabilité après ça et pas avant. Voilà. Donc, puisque la formule adoptée par eux n'est pas unanime et que ce n'est pas dogmatique, nous allons admettre avec le postulat du fait que la gamète mâle qui rencontre la gamète femelle, lors de la fécondation, la vie commence dès cet instant-là. N'est-ce À pas? fait. Voilà. Le frère Gaël, je vous avais dit tout à l'heure, avant qu'il ouvre son image, vous voyez qu'effectivement, il y a un robinet derrière lui avec les thèses. S'il remonte son image, je crois que le frère va remonter vers son image. Vous allez voir son armoire là-bas. Vous allez voir qu'il y a des liquides là-bas, les liquides amniotiques, de l'amidon, ainsi de suite. Tout là-bas, le nitrate d'ammonium, avec le sulfate de fer, ainsi de suite. Remarquez. Le frère Gaël, bonsoir et bienvenue. Soulève un peu ta caméra. On voit au-dessus de ton armoire là-bas. Vous allez voir que c'est tout. Alors, je vous avais dit qu'il est au laboratoire, il y a le mur, il y a même les effets spéciaux. Le frère Gaël. On veut voir un peu ton armoire au-dessus de ton armoire, au-dessus de ta tête, tout juste ta caméra. Voilà, vous allez le voir. Il est où là, le frère Gaël? Le frère Gaël, il est là. Allô, le frère Gaël? Le frère Gaël est là. I am the Lord, your healer. more powerful than any disease you can name tonight. You might have received a horrible report from the doctors and told you your disease is incurable. But you know what? There's hope tonight. There is hope because God's promised that He would heal us. I want you to put His word on your lips tonight. Sing His word back to Him. And see if His name isn't more powerful than cancer, than heart disease, or any disease that you can name tonight. Oh yes, He's your healer. Let's sing it to Him. You are the God that healed me. You are the God. Voilà, je suis de retour. Où est le frère Gaël? Il ne peut pas nous échapper ici. Avant que... Je veux pas échapper. Oui. Où est-ce qu'il est? Il est très bien dénoncé. Donc, Oui, le frère Gaël, soulève ta caméra, on veut voir au-dessus de ton armoire là. Vous voyez? Qu'est-ce que... Vous voyez ça? Explique-nous ce sont les... C'est quoi? Alors, frère, tu te trouves au laboratoire ou quoi? Non, je ne suis pas au laboratoire, Mais c'est quoi ça, ces différentes séries de bouteilles? Vous savez, quand j'ai d'abord vu et pensé que comme tu es, vous savez, chez nous en Afrique, il y a les coupures d'eau. Je me suis dit peut-être que ce sont les réserves d'eau qui s'est fait avant que je me suis souvenu que c'est un laboratoire. Alors, donc, ce sont les médicaments. Ce ne sont pas les réserves, c'est les choses que le bazar du bouteille, c'est les voilà. Oui. Il y a les bouteilles utilisées et d'autres non utilisées. Oui. Je ne suis pas au laboratoire. C'est vrai que c'est disposé comme dans un laboratoire de pharmacie, en fait. Oui, donc même quand tu fais les arrangements à la maison, tu fais par ricochet, tu fais un peu par réflexe comme au laboratoire. Il y a juste derrière lui là-bas, vous savez, un robinet pour laver les mains lorsqu'on finit de faire des expériences. Alors, nous sommes en train de voir, bonsoir, bienvenue, c'était pour la convivialité. Nous sommes en train de voir le sujet de l'interruption volontaire des grossesses. Et tu fais dans une spécialité. Je crois que as-tu déjà eu à travailler dans les médicaments qui. Parce qu'on a vu tout à l'heure, les spécialistes ont dit qu'il y a les avortements par. Avortement médicamenteuse. C'est pas vous qui travaillez sur les médicaments au laboratoire pour étudier quel médicament expulser et détruire le foetus? Alors, moi spécifiquement, je n'ai pas encore travaillé sur un médicament pareil, oui, mais naturellement, c'est le domaine de la pharmacie, donc mais je n'ai pas encore eu à traiter avec ce type de sujet. Oui. Voilà. Je n'ai pas encore. Oui. Tu es à Vérone actuellement, n'est-ce pas, frère? Oui, je suis à Vérone. Comment perçoit-on autour de toi en Italie, à Vérone particulièrement dans ta ville et autour de toi à l'université, comment est-ce que les jeunes filles, les garçons et les femmes en général perçoivent ou bien conçoivent l'interruption volontaire de grossesse dans leurs mœurs? Bon, je crois qu'il y a une montée d'un vent de liberté, quoi. Mmh. C'est-à-dire, un vent qui souffle dans tout le monde occidental et qui est même en train d'entraîner pratiquement aussi nos pays, dans le sens où de plus en plus on va accorder de la liberté aux femmes. Par exemple, la femme peut choisir à quel moment elle va tomber enceinte. Avant, c'était il fallait que le mari soit là. Elle peut aussi choisir à quel moment elle peut interrompre la grossesse, même sans l'accord de l'époux. En fait, de plus en plus, il y a ce débat. Donc, les pays essaient de régler et de s'accorder, même de façon législative, par rapport à ça. Du coup, bon, j'ai déjà tenu ce discours avec un certain nombre de personnes, des amis ou bien des collègues. De plus en plus, les personnes supportent la thèse selon laquelle on devrait laisser chacun choisir. Bon, je crois que c'est quand même scandaleux, c'est assez grave. C'est-à-dire qu'une fille devrait pouvoir choisir si elle va conserver son enfant ou pas, parce que à la fin, c'est son corps. Donc, le corps de l'enfant, ce n'est pas le corps de l'enfant, c'est son corps à elle. En fait, c'est un peu ça que je trouve scandaleux. C'est-à-dire, un enfant qui a été conçu, et voilà, qui lui peut être expulsé comme ça, et tout simplement parce que la fille dit que mon corps m'appartient, donc j'en fais ce que je veux. Et je crois que c'est cette tendance-là qui est de plus en plus, qui gagne de plus en plus, même les plus sceptiques, parce que nous savons que à défaut d'être chrétiens, ce sont des pays religieux comme l'Italie. Ils sont en train de repousser les barrières de la religion. Même les religieux traditionnels qui étaient catholiques, de plus en plus, sont en train de déplacer leurs limites. Voilà, pour essayer d'adopter, puisque voilà, d'adopter cette posture-là. Voilà. Cette quête à la liberté, au libertinage, de faire de son corps ce qu'on veut, n'est-il pas en totale contradiction avec les libertés fondamentaux dont j'ai parlé ici à l'entrée de mes propos? C'est le droit appelé la Déclaration universelle des droits de l'homme qui, à son article 3, stipulait que tout individu a droit à la vie. Ce droit-là qui leur est donné, dont elle se targue chaque fois et beaucoup en lutte pour pouvoir posséder, est-ce qu'elles ont le droit, donc, dans ces cas, avec cette déclaration-là, est-ce qu'elles ont le droit donc, d'arracher la vie à un individu sans son consentement? Bien évidemment, non. Ils n'ont pas le droit. Je crois qu'il y a même des pays, je ne me rappelle pas de la zone, mais j'ai lu un article, il y a des endroits ici sur Terre où on compte la naissance à partir de la conception, c'est-à-dire dès qu'on fait l'échographie, dès que la maman fait l'échographie, si l'échographie marque une grossesse de 3 semaines, alors lorsque cet enfant va naître, on compte son âge à partir du jour de la conception et non à partir du jour de l'accouchement. Donc, pour dire que la vie, c'est effectivement... Donc, c'est vraiment enfreindre au droit de vie d'une personne. Oui. Alors, puisque tu es en Italie, je signale, prenons quelques vidéos, commençant par l'Italie, et puis on va voir, on y revient. Prenez tout simplement votre stylo, cette fois-ci, déposez le bistouri, prenons le stylo, les feuilles, prenons des notes, on va y revenir tout juste après, et on va commenter. Je crois qu'avec les notes que vous allez prendre, nous allons voir. Commençons maintenant. Première vidéo. En Italie, l'avortement est légal depuis près de 40 ans. Comme en France, c'est un droit dont toute femme dispose pendant les 3 premiers mois de sa grossesse. Mais ça, c'est la théorie. En pratique, 70% des gynécologues italiens refusent d'appliquer la loi. Ici à Rome, ce sont même 80% des médecins qui se disent objecteurs de conscience par conviction religieuse. Giuseppe Noia est leur chef de file. Dans son bureau, alignés comme des trophées, les photos des femmes que le spécialiste a réussi à dissuader d'avorter. Aux femmes qui viennent me voir, je leur explique ce que c'est que de perdre un enfant. Tous les problèmes de dépression qu'elles vont rencontrer, ça, ce sont des données scientifiques. Être objecteur de conscience, c'est faire preuve de courage et de cohérence scientifique. Le médecin est là pour donner la vie, pas pour donner la mort. Ce discours, copie conforme de celui de l'Église, est répété également dans certains hôpitaux de la capitale, financés par le Vatican. L'avortement thérapeutique y est refusé, ce qui conduit parfois à des situations extrêmes. Qu'est-il arrivé à cette femme, Valentina Miluzzo, 32 ans, enceinte de jumeaux et qui a perdu la vie? In En octobre dernier, elle entre à l'hôpital de Catane. Elle souffre d'une septicémie provoquée par la mort de l'un des jumeaux. Mais le personnel médical laisse la jeune femme mourir à petit feu sous les yeux de ses parents. On a prié le gynécologue, toute la famille avec moi, de libérer ma fille. Faites-lui sortir les deux enfants, docteur. Enlevez-les, ça fait des heures qu'elle souffre et qu'elle crie. Lui me répond devant tout le monde, il y a encore un petit cœur qui bat à l'intérieur, et en tant qu'objecteur de conscience, je ne peux rien faire. Et il est parti. Ils ont tué ma fille. Personne n'a eu la dignité de nous faire des condoléances, nous dire un mot de réconfort, ou envoyer une fleur pour ma fille. Ces gens-là sont des assassins. Le cas de Valentina Miluzzo a mobilisé les associations qui veulent que le message de ses parents soit entendu. Silvana Agatone est l'une des dernières gynécologues à pratiquer l'avortement dans la région de Rome. Menacée de mort, traînée en justice, elle estime qu'aujourd'hui, toutes les femmes ne sont pas à égalité face à la loi. Si les femmes sont riches, probablement qu'elles peuvent trouver une solution en Italie. Les femmes de la classe moyenne partent à l'étranger et pour les personnes à bas revenus, eh bien, elles se débrouillent. Souvent, elles arrivent à l'hôpital avec des complications d'un avortement clandestin. Et pour toute réponse, le gouvernement a fait passer une loi. Désormais, si on apprend qu'une femme a avorté clandestinement, elle écope d'une amende de 5 à 10 000 euros. Ça ne va faire qu'aggraver les choses. Le ministère de la Santé escamote le débat et préfère mettre en avant le nombre d'avortements en baisse. Une logique que dénoncent certains élus, mais même les partis les plus à gauche sont embarrassés par ce débat. C'est extrêmement difficile de pénaliser les objecteurs de conscience, car on touche là à l'éthique et aux convictions personnelles profondes. Ce qu'il faut, c'est que l'État prenne les choses en main et protège les médecins qui appliquent la loi. Il faut dire clairement à notre pays que l'avortement est garanti et qu'il n'est pas seulement limité à une partie de notre population. Le Conseil de l'Europe a d'ailleurs sermonné l'Italie pour cet accès inégal à l'avortement qui pousse de nombreuses femmes vers la clandestinité. Maigre consolation, la pilule du lendemain peut désormais être obtenue sans ordonnance, sans avoir à passer sous le regard inquisiteur des médecins. Voilà, merci à nos amis d'Europe Hebdo, une vidéo de LCP dont vous pouvez trouver sur YouTube avec le titre « Le calvaire des femmes italiennes pour accéder à l'IVG ». Médecin pour Jésus dans la sainteté, rebonsoir et bienvenue. Alors, nous sommes là en Italie. Nous venons de voir quelque chose en Italie. Qu'est-ce que vous en pensez? Qui peut prendre la parole? Je crois que tout est clair. Quel commentaire faites-vous? Si je peux. En fait, moi j'ai fait mes études de médecine en Italie. Donc, ce qui fait que, effectivement, concernant l'interruption volontaire de grossesse en Italie, la loi est un peu rétrécie, comme on a pu constater dans la vidéo. Par rapport à d'autres pays. Bon. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment un serment d'hypocrisie en fait, parce qu'en Italie, ils vont dire, ce qu'ils disent c'est quoi? C'est que la femme a 90 jours pour pouvoir avorter, donc avant les 3 mois, avant les 3 premiers mois, pour différentes raisons, la femme peut aller interrompre une grossesse, comme le frère disait tout à l'heure, sans même que son mari soit au courant, parce que son corps lui appartient, donc l'homme ne peut pas comprendre ce que la femme ressent. Si elle ne veut pas avoir cet enfant, elle peut le faire sans le consentement de son conjoint. D'une autre part, ils disent, bon, mais ils interdisent l'interruption médicale de grossesse, ce qu'on peut voir, et d'ailleurs dans la vidéo, c'était ce qu'ils appellent les médecins immediati obiettori, dans le sens où un médecin, je sais pas, obligé, activé, j'ai vraiment dit un procès. Un objecteur de conscience. Un objecteur de conscience. Voilà, un objecteur de conscience, il peut refuser de faire un avortement. Et ça, en Italie, c'est légal. Donc, tu vas, tu vois le médecin, il te dit, moi, je ne te permets pas d'avorter. Et c'est ce qui s'est passé chez cette femme. Donc, ce papa-là, le professeur, le professeur Gaïra, il se comporte comme le frère Cyril, quoi. Voilà. Donc, elle est morte d'une septicémie. Pourtant, on sait. Mais ils disent, par contre, que la vie de la mère est en danger, on pourrait encore le faire. Mais même jusque-là, il y a des médecins objecteurs de conscience qui peuvent ne pas le faire. Comme dans le cas de cette femme qui est décédée, Valentine Nola. Voilà, exactement. Ils ne le font pas. Donc, le gynécologue qui est là, il a le droit. C'est pour ça qu'on ne peut même pas le suivre en justice en Italie, parce qu'il est dans ses droits de refuser cette interruption de grossesse. Il est dans ses droits. Et de l'autre côté, il refuse l'avortement thérapeutique. Donc, si un enfant, par exemple, si on constate que l'enfant va naître avec des malformations, ou voilà, on ne le permet pas. Donc, c'est assez, c'est pour ça que je dis, c'est un peu d'hypocrisie. Parce que d'un côté, on accepte, de l'autre, sous prétexte que, comme le frère disait tout à l'heure, il y a la religion, le Vatican, machin, c'est une vie qu'on est en train de... C'est une vie qu'on est en train d'enlever, mais on permet quand même aussi une interruption volontaire de grossesse. Donc, si une femme va digérer, tu veux dire, il y a des femmes qui utilisent aussi le prétexte que, voilà, elle est toute seule, elle est tombée enceinte, elle ne savait pas, et blablabla, et blablabla. Ils ont tout un système ils mettent des systèmes de, comment on va dire, de soutien psychologique, parce qu'à la première rencontre, ils vont te dire, est-ce que tu es vraiment sûr que tu veux avorter, machin, tout ça, ils vont traîner, ben, au final, après, on va le faire. Si la femme, elle dit, moi, je ne peux pas parce que je suis, il faut qu'on diagnostique peut-être une dépression ou machin, tant que la mère prouve que sa vie est en danger, entre guillemets, ils vont le faire. Oui. Toujours est-il qu'elle ne tombe pas sur un médecin objecteur de conscience. Oui. Alors, merci ma soeur pour ce développement. Le frère Gaël, tu es en Italie. Comment vis-tu cela avec la vidéo? Comment tu as vécu cette vidéo en suivant avec nous la vidéo des Hebdo, Europa Hebdo? Ce qui me concerne, je crois que la loi italienne, lorsqu'on veut être clair sur certains aspects, il faut véritablement choisir son temps, si je peux dire ainsi. Parce que le fait que la loi soit ambiguë, et c'est très souvent le cas en Italie, il y a beaucoup d'ambiguïté dans la loi, ça fait que ça facilite la multiplication de ce qu'on appelle la mafia. Parce que là encore, dans le secteur médical, un peu comme au pays, il y a ces médecins, ces infirmiers, ces aides-soignants et ces gens qui travaillent dans le noir et qui font ces avortements dans le noir. Ça fait que, alors, le fait que la loi soit ainsi ambiguë sur certains points, comme la loi de l'avortement ici en Italie, comme nous avons vu, il y a le fait que plusieurs médecins disent ouvertement que nous ne voulons pas. Il y a des médecins, donc, et des infirmiers qui développent ces choses qui ouvrent des, je vais dire quoi, le laboratoire noir de l'avortement. Le laboratoire parallèle, non officiel. Voilà. Et donc, dans les villes, on sait que non, si tu veux avorter, ne va pas à l'hôpital, ne va pas, donc tu peux aller voir tel monsieur. Donc, je crois que les gens ont trouvé les voies de contournement pour éviter ces choses. On sait déjà que, par exemple, l'hôpital, tel hôpital, là-bas, tu ne vas jamais avoir la solution. Donc, si tu veux un avortement, va voir tel monsieur. Donc, ces choses-là, je pense pas que véritablement une femme qui peut avorter va avoir un problème pour ne pas voter, elle va sincèrement trouver la solution. Donc, pourquoi? Parce que la loi est ambiguë. Et cette femme, dès lors qu'elle est dans les trois premiers mois, elle est dans ses droits parce que la loi lui a permis d'avorter. Donc, peut-être dit que tu as le droit d'avorter, mais tu ne peux pas avorter. Si, tu as déjà le droit, on t'a donné le droit, ça veut dire que dans le marché, moi, si tu parles, le fait, personne ne peut te condamner. Je crois que c'est un peu hypocrite de la part même du législateur. Oui. Alors, Frère Yassin, le professeur, dont nous avons vu sur ces... Giuseppe Noia. Que nous avons vu sur cette vidéo, appelé par les Italiens l'un des derniers, les rares, le dernier rempart les objecteurs de conscience. Et dans cette vidéo, nous avons vu comment il montre des séries de personnalités qui sont venues vers le voir pour avorter. Et il a parvenu à les convaincre de garder leurs enfants. Et il les présente comme des trophées. N'est-ce pas là un aveu de montrer effectivement qu'il y a une explication à donner à ceux qui doivent avorter et qui, en réalité, doivent laisser cet état-là? Oui, exactement, ça c'est clair. Il faut, comme on l'a souligné tout à l'heure, il y a plusieurs raisons pour lesquelles les gens se livrent à cet acte-là, quoi. Mmh. Donc, je crois que ces personnes sont des personnes généralement qui ont plutôt, je vais dire, qui ont plutôt des douleurs, comment dire, psychologiques. Ce sont des personnes qui ne savent pas comment faire face à cette situation. Mmh. Et quand ils rencontrent un médecin qui peut leur remonter le moral, un médecin qui peut leur dire, ce n'est pas automatiquement le meilleur chemin. Mmh. Et aussi, ce n'est pas un médecin qui regarde à l'argent, parce qu'il faut bien le dire que pratiquer un avortement, ce n'est pas gratuit. Mmh. Donc, c'est un âge aussi que c'est. On te paye aussi pour cet acte criminel que tu poses. Oui. Donc, étant, je suppose, ça c'est un monsieur que je peux appeler un papa dans la médecine, quand je l'ai vu, qui ne regarde pas seulement à l'argent, mais qui regarde aussi, comme tout médecin devrait le faire, à la situation future de son patient. Ça veut dire que comment le patient a vivre cette situation. Il a bien dit que généralement, les personnes qui avortent après, elles le regrettent. Il peut arriver que par la suite, elle soit par exemple infertile, qu'elle développe des infections, des hémorragies, des blessures génitales et tout ça. Et il te met face à cette vérité. Pardon? Des conséquences futures de l'acte que pourra commettre son patient. Exactement. Donc, il te met face à la situation et il te fait comprendre que ce n'est pas automatiquement la bonne solution que tu prends, cette. Tu auras peut-être affaire, je ne sais pas trop, à ta famille qui va t'en vouloir, à tes amis qui vont te regarder d'une certaine manière. Mais au-delà de cela, il y a aussi, tu prends aussi un risque, quoi, oui, en posant cet acte. Voilà. Et je crois que ça, c'est une forme consciente de pratiquer la médecine. Et comme il a dit justement, il a dit effectivement que la médecine est faite pour protéger, non pour tuer. C'est pas mal. Oui. Alors, maintenant, je reste avec toi, frère Yacine. Tu vas jouer maintenant aux objecteurs de conscience. Une jeune fille belle vient de la Californie, vient te voir en disant que Kim Kardashian est sa star. Son corps, elle a métamorphosé son corps pour être comme le corps de Kim Kardashian. Elle ne veut pas de vieillissement, encore moins de rides sur son corps. Elle est tombée enceinte et elle a peur qu'à l'issue de cette grossesse-là, si elle ne l'expulse pas, que son corps soit déformé et qu'il n'ait plus ce corps sexy dont elle voulait. Ce corps de rêve, ce corps de star à l'aide à la Malibu. Elle se présente devant toi, tu dois lui prescrire l'interruption volontaire de grossesse. Qu'est-ce que toi, en tant qu'objectif de confiance, tu feras pour désarmer cette femme-là? Très bien. Je crois que elle m'a apporté l'exemple, et moi j'ai plusieurs exemples. J'ai par exemple des exemples des femmes, je peux citer le nom, qui ont une femme par exemple en Allemagne qui est l'une des meilleures, on appelle comment, c'est super modèle, non? Top modèle. Les top modèles, la meilleure, elle a cinq enfants, Heidi Klum. Cinq enfants. Donc, je fais comprendre à cette femme-là que ce n'est pas une raison. Et je veux aussi dire à cette femme que peut-être aujourd'hui elle ne veut pas cet enfant, mais peut-être demain elle le voudra et elle ne pourra plus l'avoir. Tu vois? Et ce ne sont pas des situations rares. Je peux aussi me permettre de lui raconter une histoire qui m'est arrivée. Bon, une histoire, je vais dire la semaine prochaine. J'avais une patiente en face de moi, elle avait un mari qui avait 91 ans et elle est là-bas environ 87 ans. Et les deux n'ont jamais eu d'enfant. Pourquoi? Parce qu'ils étaient vraiment acharnés à faire leur travail, comme elle me dit, comme elle, celle qui est devant moi me dit. Tu vois, je vais dire. Et la femme se retrouve à 87 ans, toute seule. Son mari a une septicémie. Il est hospitalisé. Il va mourir. Bon, certainement. Et elle est seule, elle n'a même pas d'amis, elle n'a aucune personne de sa famille ne vit, aucune. Donc elle est là, bouleversée. Donc, je dirais à cette femme, je lui présente par exemple cet exemple et je lui dis, elle peut réfléchir. Sa carrière, un enfant ne dérange pas une carrière. On nous fait croire qu'un enfant dérange la carrière, mais il y a des femmes qui ont eu cinq enfants et qui ont continué dans leur carrière. Donc ce n'est pas une raison suffisante, voilà, à mon avis. L'objecteur de conscience a parlé, et on a trois femmes ici ce soir, la sœur Loris, la sœur Reine et notre sœur Monique. Si vous étiez en face de ce médecin objecteur de conscience, vous a-t-il convaincu? La sœur Loris, elle est où? Elle dort déjà? Non, j'écoute. Alors maintenant, tu as effectivement écouté diplomatiquement et médicalement ces objecteurs de conscience. T'as-t-il convaincu? C'est à moi qu'on parle. Exactement, ma soeur. Ça va, il m'a convaincu en... En disant que tu n'as plus avorté, que tu laisses ton nyanga. Que le nyanga, là, ça, même si tu veux ou pas, ton corps va vieillir plus tard. Donc, accouche ton enfant. Sinon, tu vas arriver à 88 ans, tu vas chercher cet enfant qui doit t'épuiser de l'eau. Tu n'as pas voix. Qu'est-ce que tu as... Non, moi personnellement, moi, il m'a peut-être convaincu, mais c'est les autres qui ne connaissent pas, qui sont pas au courant de tout ce qui se passe dans le monde. Oui. Qu'il faut convaincre aujourd'hui. Moi, je suis plus... Voilà. On retient que l'objecteur de conscience t'a convaincu. Donc, les autres, comme tu as dit, allons-y, les autres. La sœur Reine, on dit que c'est à vous qui reste d'être convaincu. Allons-y. C'est la sœur Loris qui a dit. Il t'a convaincu aussi. Je joue le rôle de la dame, hein. Oui. Pas forcément. Oui. Il peut argumenter plus que ça, parce que, oui, Heidi Klum a peut-être 5 enfants, c'est une star, machin. Mm. On peut aussi dire qu'elle peut faire, elle peut trouver d'autres moyens pour pouvoir garder son corps de rêve, donc la chirurgie, machin et tout. Oui. Et le fait que cette femme de 87 ans qui se retrouve juste avec son mari, je veux lui dire que moi j'ai vendu une famille nombreuse par exemple, j'ai peut-être des neveux, j'ai peut-être machin, des cousins. Donc, il faudrait peut-être plus encore que me convaincre. Mmh. Donc, tu vois, c'est bon que, sauf que tu es l'enfant, là. Mon frère, j'ai dit, je vois le rôle de la femme. Ok. Oui, celle qui joue à l'aide à Malibu. Le frère Cyril, on laisse la sœur Monique, parce que si elle ouvre le micro, les enfants vont bavarder. Et pour la sœur Monique, on n'en parle pas. Elle nous a déjà présenté deux pour montrer que tout ce qu'on dit là, c'est zéro, il ne peut pas avorter. Le frère Cyril, bonsoir. Tu es avec nous, n'est-ce pas? On le va, je te passe la parole. Oui, bien sûr. Oui. En ce qui concerne la vidéo, bref, pour venir d'abord rapidement au cas que le frère Asena a objectivé, je pense que si c'était vraiment la sœur Reine, elle aurait plutôt besoin de délivrance que de discussion. Voilà. Maintenant, pour revenir à la vidéo, oui. Les féministes et les féminismes, ou les quoi, vont m'excuser. Lorsqu'on dit qu'une femme peut interrompre la grossesse au cours des premiers 90 jours sans consentement du mari, ça c'est la sorcellerie. Voilà, le mot est finalement sorti ce soir. Ça c'est le vaudou, c'est la magie noire. Voilà. Parce que lorsque la Bible nous cite, d'abord, lorsque la Bible nous cite quelqu'un, sa descendance, on dit fille de. Oui. Pour dire que, de façon symbolique, la vie émane du Père, de façon symbolique et spirituelle. Oui. Et comment quelqu'un, une femme peut se lever, elle est conçue par son mari, par... c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Oui. Voilà. Je crois que finalement, c'est sorti, n'est-ce pas? Oui, c'est la sorcellerie. Voilà. Alors, suivant... Donc, il faut que... Suivant, avant de revenir, je ne sais pas si le frère Iba est là parce qu'il ne voit plus sa vidéo. Je ne sais pas si... Le frère Bat, tu nous entends? Oui, je suis là. Ok. On passe la deuxième vidéo. Je crois que certainement tu as des choses à dire. On passe la prochaine vidéo et puis on revient, n'est-ce pas? Tout à fait. Comment tu as appris que tu tombais enceinte? Tout simplement, je suis quelqu'un de très maigre. Et il se fait que j'ai commencé à prendre un peu de poids. Et je ne sais pas pourquoi, parce que ma morphologie est comme ça, et jamais j'arriverai à grossir. Franchement, je prie le bon Dieu pour grossir un jour dans ma vie, hein, quand même. Et j'ai commencé à prendre un peu de poids, et j'étais contente. Et je me dis, mais c'est pas normal. J'avais tout le temps faim, j'avais toujours envie de manger et tout ça. Et je me dis, je n'ai pas eu mes règles ce mois-ci, donc je vais aller faire un test de grossesse. J'étais faire ce test de grossesse et là, le choc total, parce que j'ai vu sur le truc que c'était positif. Donc du coup, moi, en ne sachant pas, parce que je ne l'ai jamais fait dans ma vie, j'ai regardé le papier plusieurs fois pour voir si ça voulait vraiment bien dire, enfin le papier de test, là, pour savoir qu'est-ce que c'était exactement. Et du coup, ouais, j'ai été très choquée. Comment tu l'as annoncé à Paga? Quand je lui ai dit qu'il avait quelque chose, je devais lui montrer quelque chose. Et de là, je lui ai montré le test de grossesse et là, il a été choqué. En fait, j'ai vu Paga à moitié heureux, à moitié choqué. Heureux parce qu'il se dit, oh putain, on a un bébé, quoi, qui est en train de se former. Et choqué et triste parce qu'il se dit, on a plein de projets en cours, on adore mixer. Qu'est-ce qu'on va faire si tu es enceinte? Qu'est-ce qu'on va faire? Enfin, et si on part en tournage, qu'est-ce qu'on va faire et tout ça? Enfin, voilà, on s'est posé plein de questions et moi, c'était hors de question que je tombe enceinte. Voilà, c'était hors question que je tombe enceinte parce que je suis pas prête, je suis un bébé moi-même, comment tu veux que je m'occupe? En fait, je suis contre aussi l'avortement et ça m'a fait beaucoup de peine. C'est pour ça que je te dis, je l'ai mal souffert parce que l'avortement chez moi, je n'accepte pas, je n'aime pas, voilà. Même s'il y a des femmes qui n'ont pas le choix, c'est qu'elles n'ont pas le choix vu que je l'ai fait aussi. Mais ça m'a rendu tellement triste. Je ne saurais jamais si c'était un garçon ou une fille. Voilà. Et en plus de ça, j'ai souffert parce que ça fait très mal d'avorter. Voilà. Il m'a vraiment beaucoup soutenue, Paga, parce que Paga est un homme bien. Et il a toujours été là pour moi. Et il le sera toujours. Et il m'a vraiment soutenue à fond. Et là, il est resté avec moi. Pendant les examens et tout ça, il a tout fait avec moi. Ça fait combien de temps déjà que j'ai été enceinte? Ça fait plus d'un an, non? J'aurais déjà accouché, t'imagines? Non. T'étais enceinte de combien de temps? J'étais enceinte de un mois. Et forcément, comme je suis toute mince, ça ne se voyait pas. Il fallait que je sache que j'étais enceinte. T'as pleuré? Ouais, j'ai pleuré. Ouais, j'ai pleuré beaucoup. Ouais. Ah, c'est... C'est bizarre d'en reparler, ça fait longtemps que j'en ai pas parlé d'ailleurs. Et même si j'ai été critiquée le fait que j'ai avorté, je pense que c'est quelque chose qui est légal en France, même si je suis contre, parce que forcément, bah oui, ça fait de la peine, oui, c'est pas bien. Je suis beaucoup trop jeune, je suis pas prête, je peux pas avoir un enfant maintenant, c'était pas possible. Et le jour où on aura un enfant, bah, c'est tout simplement parce que je me sentirai prête et que je serai enfin devenue une femme et que là, j'aurai tout mon temps pour m'occuper d'un petit garçon, d'une petite fille, de mon petit bébé. Voilà, je pourrais me consacrer 100% à m'aider, quoi, tout simplement. Et vous envisagez quand même dans les années à venir d'avoir un enfant avec ton chéri? Ah oui. Pour les années à venir, c'est tout à fait logique qu'on puisse faire un petit avenir quand même. Hein. Un avenir de famille, construire notre maison. Attends, parce que je me perds tout le temps. Construire notre maison, faire des enfants. Lui, il en veut deux. Il va y mollo, hein. Mais ouais, je veux un enfant plus tard parce que je pense que le mélange de Paga et moi sera plutôt pas mal. T'es le seul à qui j'en ai parlé vraiment de ça. T'es vraiment le seul Sam à qui je me confie. Je peux pas me confier à d'autres journalistes, il y a vraiment que toi parce que voilà, je t'aime bien. Voilà. Voilà, voilà, j'avoue que je suis traumatisé. Je suis abasourdi, je suis dérangé de cette vidéo de LMSA traumatisé par son avortement. Adixia se confie avec beaucoup d'émotions sur YouTube que vous pouvez également retrouver. Freiba, je suis sans voix. Et comme je suis sans voix, je ne pose pas de questions. Je te regarde, tu me regardes, tu regardes la vidéo, tu commentes. Écoute, mon frère, moi, pareillement, mais on voit bien pendant tout le... toute la durée de son entretien ne fait que se maquiller, donc c'est étonnant. Alors, ben elle est totalement, c'est dit, en contradiction avec ce qu'elle dit. Elle dit qu'elle est contre l'avortement. Mais elle ne se sent pas prête. Voilà, oui, elle dit même qu'elle est contre, elle n'est pas prête. Bon, enfin, c'est la cacophonie de son discours. Donc, clairement... Bon, Freiba, je crois que toi-même, tu n'es pas encore remis de ton émission comme moi. En tout cas, je me suis remis. Je prends un peu... elle a dit dès le départ qu'elle priait le bon Dieu Elle a dit, je ne sais pas si vous avez perçu cette phrase comme moi, elle priait le bon Dieu pour prendre du poids. Et puis elle a continué son développement. Qu'est-ce que ça te dit? Elle est française et elle signifie que la loi française lui donne le droit d'avorter, même si elle est contre. Elle prie le bon Dieu pour grossir. Oui, et le même bon Dieu qui dit de ne pas qui dit de ne pas avorter, c'est à lui qu'elle adresse ses prières là. Mmh. Bon, en tout cas, elle ne sait pas de quoi elle parle en fait. Mmh. Ça. Franchement, donc moi, je ne sais pas si je peux dire plus que ça sur son cas. Oui, je crois que le frère Baba s'est calmé tout à l'heure. Frère Yassine. Frère Ba est dépassé par les événements. Oui, je suis toujours là. Mmh. Je crois que le frère Ba a ressenti la même chose qu'il avait ressenti lorsqu'il était à quoi, lorsqu'il soutenait sa thèse en gynécologie. Oui, il a dû ressentir la même chose. Oui, frère, la vidéo a été jouée, pas de questions. Qu'est-ce que tu en dis? Bon, ça c'est encore une forme de sorcellerie moderne. Oui, pour prêter le mot à quelqu'un. Ben ouais, pour prêter le mot de frère Cyril, parce que c'est... Bref, que dit, c'est pas ce qu'on va dire. Non, le frère, il faut y assez aussi dépassé. Elle a vraiment montré le comble de son ignorance, quoi. Oui, mais rappelons également quand même que dans ses dits, elle a dû répéter tout ce que nous avons décidé à l'entame des propos que les uns et les autres avaient parlé des différentes causes qui peuvent amener quelqu'un à dire. Elle dit clairement qu'elle est jeune, elle est belle. Elle ne veut pas perdre sa jeunesse, ainsi de suite. L'enfant veut perdre le temps maintenant. Ils ont des projets, ainsi de suite. Quoi que vous avez soulevé toutes ces causes-là tout à l'heure. Là. Maintenant, qu'est-ce que tu en dis? Avec une femme comme ça, elle dit qu'elle sera prête, elle va faire. Et puis elle dit que ça fait un an, leur enfant aurait été à un an maintenant. Elle le dit sans émotion. Et puis elle rit à condition du maquillage, comme le frère Iba dit. N'est-ce pas la fille qui est comme Kim Kadiachan ici, mon frère. Prenons le frère Cyril. Frère Cyril, lâche-nous le mot. Oui. Je ne sais pas maintenant. En fait. Quelle est la question qui m'a adressé là maintenant? La question, c'est la vidéo. Qu'est-ce que tu en dis? Vraiment, comme le frère Iba a dit vraiment, ou bien le frère Yassine, je ne sais même pas. C'est-à-dire, elle est en pleine contradiction avec ce qu'elle dit. Oui. Je suis contre l'avortement et je suis en train de vouloir le pratiquer, soit disant parce que les projets. Mm. Ça, c'est. C'est-à-dire, en sorcellerie, on dit que la sorcellerie passive, la sorcellerie active. Je crois que c'est un mélange des deux. Vraiment, je ne comprends pas ce qu'elle fait. Oui, je ne sais même pas si elle ne comprend pas ce qu'elle fait. Oui, mais elle prie quand même le bon Dieu pour grossir. Elle a beau manger les pizzas n'importe comment avec les différents ketchup et autres qu'elle mélange là-bas, elle ne grossit pas. Elle prie le bon Dieu finalement que Dieu lui vienne en aide pour qu'elle puisse grossir. Je crois que la grossesse aurait été une occasion pour elle de prendre quelques kilos. Hein. Mais ça devait diminuer sa beauté, dit-elle. Voilà. Donc, je pense tout simplement que vraiment, comme les fonds du moment, c'est. C'est vraiment l'ignorance, vraiment. C'est vraiment l'ignorance. Voilà. Le frère Gaël. Alors, je pense que, pareillement, c'est non seulement de l'ignorance, mais dans la vidéo, je perçois que la contradiction dans son langage provient du fait qu'elle en a souffert. Moi, je perçois une personne qui a souffert de cet avortement. Mmh. Je crois qu'elle s'est rendue compte qu'elle avait commis une erreur et elle essaie de cacher. Elle essaie d'évacuer rapidement. Voilà, elle est en train d'essayer d'évacuer. Donc, tous les gestes qu'elle fait là, c'est pour ne pas laisser extérioriser le sentiment profond qu'elle a ressenti après avoir... Je pense que cette fille-ci, si à l'instant où on lui fait cette interview, si elle a un autre enfant, elle va le garder. Mmh. Parce que dans sa manière de parler, ses gestes sont des gestes qui cachent, en fait. Parce que, voilà, elle fait des gestes, véritablement, tu sens une personne qui n'est pas encore, qui n'est pas sortie la même de cette expérience. Mmh. Je pense que ça prouve que l'avortement, c'est quelque chose qui affecte profondément. Mmh. Parce que là, même si elle ne le dit pas, elle répète. Mmh. Par sa gestuelle, par sa façon de faire, tu comprends que voilà, elle se retrouve. Peut-être même elle avait avorté et elle était pour, mais maintenant, tellement elle a regretté qu'elle a changé de discours. Et donc, c'est cette contradiction qui fait qu'elle ne fixe pas la caméra, elle fuit du regard, elle se touche. Donc, c'est triste, quoi. Je pense que c'est ce type de vidéo que. Même qui véritablement montre que ça affecte, parce qu'elle est sortie véritablement. m'a affecté. Merci mon frère. La sœur Reine, ta copine qui est venue voir l'objectif, quoi, l'objecteur de conscience tout à l'heure, était avec ses maquillages. Ma copine. Et le frère Gaël nous dit, après l'avoir étudié son comportement au laboratoire, vu qu'elle est troublée, elle a des troubles de personnalité. Que tout ce qu'elle fait là maintenant, les mascaras qu'elle fait là, c'est pour masquer cette personnalité-là. Qu'est-ce que tu en penses avec la vidéo? Mon frère, il lui faut la délivrance. Voilà. Il lui faut la délivrance. Il lui faut la délivrance. La sœur Loris, quelque chose à ajouter? La sœur Loris est là. Je crois que son Skype, son micro. Moi, personnellement, je pense quand même que... Oui, vas-y, ma sœur. Beaucoup de gens nous écoutent dans le monde. Donc, je pense que si on fait des vidéos, c'est pour aider les gens. Oui. Et là, je pense qu'on est un peu dans le jugement. Et puis, je pense que c'est... Enfin, pour moi, hein, je dis ce que je pense. Oui. Et les gens vont nous écouter après. Il faut que celui qui écoute profite de ce qu'il a écouté. Donc, là, depuis, bon, on parle de l'avortement. Le but, c'est quoi? Est-ce que, bibliquement, c'est pas normal? On va toucher à la fin la Bible. On voit l'aspect, on est encore sur l'aspect médical et de la législation du droit. Donc, à la fin, on va voir l'aspect biblique de cela. C'est pour ça qu'on évite Dieu. Mais c'est cette fille-là qui a introduit Dieu en priant Dieu pour grossir. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, comme a dit le frère, elle ne sait pas ce qu'elle dit. Tout le monde appelle Dieu, et même le païen appelle Dieu. Quand là, tu l'as jugé, ma soeur. Tu la juges pourquoi? Pardon? Tu l'as jugé, là. J'ai pas compris. Non, il dit tu la juges, là. Tu dis qu'elle appelle Dieu comme ça, elle est ignorante. Non, j'ai pas. C'est parce que je sais qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait. Si elle savait vraiment, elle n'aurait pas fait après son avortement. Si elle dit que, cette femme qui parle à Bambé, pourquoi? Elle est même qui pour me juger. Qu'est-ce que tu lui diras? Je comprends pas bien. C'est cette fille, après t'avoir écouté ce bambé, elle dit que cette fille-là, je vais lui régler son compte, comme elle est en France avec moi là. Elle est qui pour me juger? Non, elle ne va pas me voir, c'est que je suis au fond. Dans la Bible. Je me mets à la place de la personne qui veut écouter. Hein. Oui. Je me mets à la place parce que je lis bien les commentaires, je me mets à la place des gens qui écoutent. Oui. Je me dis, supposons que je ne fais pas partie du groupe. Oui. Je ne sais même pas si je vais écouter toute la vidéo parce que je ne vais pas arriver à la partie spirituelle. Je vais dire, oh, qu'est-ce qu'il raconte comme ça? Parce qu'en fait, on vit dans un monde, si on prend le contexte européen, on vit dans un monde aujourd'hui. C'est tellement normal. Une jeune fille qui a 13 ans, elle a des rapports, elle tombe enceinte. Elle, c'est normal. Elle dit, oh, je vais avorter. Oui. Donc, je vais dire, c'est tellement normal que... Et toi qui es chrétien, ça te choque, tu es choqué, tu te dis, mon Dieu, c'est quoi cette histoire? Tu as l'impression que tu rêves, quoi. Donc, quelqu'un comme ça qui écoute cette vidéo, elle va se dire, mais ils sont fous, ils se racontent. Elle ne va même pas suivre toute la vidéo. Oui. Donc, je ne sais pas ce que les autres pensent, mais c'est comme quelqu'un qui fume, c'est tellement normal. Tu vois, une fille qui a 18 ans, elle a vraiment fait 6 avortements, hein. C'est terrible. Toujours, elle a un rapport non protégé, elle te prend la pilule du lendemain, c'est systématique, tu veux dire. Alors, je reste avec toi, ma soeur. Qu'est-ce qui pousse les gens à vivre comme ça, avec cette interdépendance ou ce libertinage, selon toi? Mon frère, on est dans la fin des temps, hein. C'est vraiment la fin des temps. Donc, c'est la fin des temps. On repousse le. On veut pas entendre la vérité. Et j'ai même pas de mots pour expliquer. Moi, je suis dépassé. Moi, tout ce que j'essaie aujourd'hui de faire, de sauver ma tête, vraiment, salut individuel, je sauve ma tête parce que c'est trop fort. Oui. C'est trop, trop fort. Voilà. Vraiment. Merci, ma soeur. Alors, maintenant. Non, mais c'est vrai. On va progresser. Mais... On va progresser. Alors, dans la Bible satanique, dans ton Slendor la vie, au titre 9 qui traite des représentations sataniques au verset 8. Dans son verset 8, il dit Satan représente tout ce qui est peut-être, qui peut être appelé péché et qui peut mener à une gratification, regardez ceci, à une gratification mentale, physique et émotionnelle. Donc, Anton Slavon, vous connaissez Anton Slavon, la vie, c'est celui-là, le fondateur du satanisme, en 1966, qui a fondé l'église de Satan aux États-Unis. Il dit dans ce titre 9 là, qui traite des représentations de Satan, il veut dire Satan qui est un être qu'il appelle souvent en concluant là, dans sa Bible, en saluant Satan comme les gens saluent Marie également. Il dit dans sa Bible, dans cette Bible là, que Satan représente tout ce qu'on peut appeler péché, mais qui peut mener à une gratification mentale, gratification physique et gratification émotionnelle. C'est vraiment dit que vous devez réaliser quand vous commettez ces choses là, vous êtes dans l'état de Satan. Alors, est-ce que ici, pour quelqu'un comme cette fille ici qui veut vivre une gratification physique, une gratification émotionnelle, rien ne doit vouloir lui déranger, n'est-il pas en train de réaliser Satan comme ça? N'est-il pas poussé par l'esprit satanique pour réaliser ces choses dont nous sommes en train de traiter ce soir? L'interruption volontaire des grossesses, mes frères. Qui prend la parole? N'est-ce pas un agenda satanique pour pousser les gens à verser du sang? Et tout sans toutefois vouloir se compromettre avec la conscience, culpabiliser. Si. Bien évidemment, frère, je crois que c'est dans l'agenda de l'ennemi. Alors, qui pourrait véritablement tirer un profit de ce type de comportement si ce n'est pas le diable? Tu ne parles pas de l'image. Un peu vers le micro, frère, un peu vers le micro, parce que c'est éloigné de toi, là. Donc, parlant de l'agenda de Satan, il y a une... Je pourrais prendre le témoignage. J'ai eu à discuter, par exemple, c'est pas vraiment l'avortement, mais c'était les méthodes contraceptives. J'ai eu à discuter avec une sœur, une bien-aimée, et qui, elle a eu une vision, en fait. Elle prenait toujours... chaque fois, pour éviter de tomber enceinte, soit les pilules du lendemain, ou alors les méthodes de contraceptive. Et un jour, pendant qu'elle dort, elle n'était pas entièrement endormie, elle a eu une vision d'un ange horrible qui lui est apparu. Elle avait cessé, en fait, ces médicaments lui ont causé une insuffisance cardiaque, puisque ce sont des produits hormonaux. Et donc, elle a décidé de ne plus prendre ça. Et puis, elle a eu cette vision. L'esprit qui lui est apparu lui a dit que tu me livrais tes enfants, pourquoi tu ne me les donnes plus? Je crois que le frère, il faut vraiment fixer au micro parce que c'est très important ce que tu as de nous dire là maintenant. Pour rejoindre la salle Loris, il faut que les gens sortent maintenant en tirant quelque chose. Mais ceux qui veulent la vérité doivent rester au pied de Jésus comme Marie pour écouter la bonne parole. Alors, dis-nous, reste très focalisé sur ton micro, comme ça on est le son clair. Je regarde le frère Iba qui tend les oreilles là-bas exactement comme moi pour essayer de percevoir, oui. Dis-nous, et cette soeur a eu une vision et un ange horrible lui a apparu, oui. Non, en fait, un démon. Et donc, dans cette vision, c'est une sœur qui est en même temps en contact. Elle a eu cette vision où ce démon lui est apparu et il lui a dit littéralement en français que tu me donnais tes enfants. Et pourquoi tu ne me donnes plus tes enfants? En fait, ce qui se passe, c'est que quand elle a arrêté de prendre ses médicaments, elle est tombée enceinte de son dernier enfant qu'elle a maintenant, qui est une petite fille. Et donc, dans la vision, ce démon dit que je vais récupérer l'enfant. Il prend l'enfant, elle récupère. Donc, elle tire l'enfant avec lui. Et elle se dit, mais comment tu peux dire que je t'ai livré mes enfants? Il lui dit, mais bien sûr, depuis que tu prends les pilules du lendemain, depuis que tu prends les méthodes contraceptives, tu me donnais tes enfants. Aujourd'hui, tu ne peux pas dire que tu vas arrêter ça comme ça. Et donc, c'est lorsqu'elle m'a raconté ça, j'ai eu tellement froid. J'ai dit, mais mon Dieu, c'est terrible. Les gens sont dans l'ignorance. Toutes ces choses sont commandées depuis les ténèbres. Et donc, ça, c'est un cas pratique qui montre que Satan est derrière toutes ces choses. C'est-à-dire la contraception, la contragestion. C'est l'ennemi entièrement. Et donc, je crois ici, dans une autre émission, nous allons voir la contraception des fonds comme avec la sexualité précoce et sous toutes ses formes, et on se retrouve avec la contraception. Et parce que beaucoup de chrétiens, dans les maisons maintenant, nous voyons, je crois qu'il y a quelqu'un qui ferme la porte, les chrétiens vivent certaines choses maintenant, et avec les difficultés que nous avons, les gens ont peur de tomber enceinte. Un paradoxe vraiment au milieu chrétien également, pendant que d'autres personnes prient, Seigneur, donne-moi un enfant, d'autres sont en train d'empêcher que l'enfant n'entre. Oui, mon frère. Et donc, moi, c'était pour rejoindre la sœur en disant que, pour rejoindre le sujet en disant que c'est spirituel. Tout ce que nous vivons aujourd'hui est... Dans l'agenda satanique. Voilà. Soit tu le fais, soit tu marches selon la pensée du Seigneur, soit tu es dans le système du monde avec les deux pieds. Il n'y a pas un milieu. Voilà. Donc, si tu n'es pas en train de suivre pleinement la volonté de Dieu, alors tu es en train de courir rapidement sur la voie de l'ennemi. C'est tout simplement ça. Donc, toutes les personnes qui font ça sont dans l'agenda de Satan. Voilà. Je reste avec toi, mon frère, puisque tu as eu cette conversation avec cette soeur-là. Et cette soeur-là, puisque ceci a un peu trait à voir avec l'avortement sur, certains, sur un angle, il s'agissait là-bas d'une personne qui prend des pilules pour empêcher de tomber enceinte. Et là, le démon lui dit que quand tu le faisais, tu me livrais l'enfant. Qu'advient-il maintenant? Je reste avec toi pour ceux qui, justement, expulsent ces enfants-là. Ouf! Ça, c'est grave. C'est terrible. C'est-à-dire, c'est terrible. Parce que le problème, encore, c'est que nous savons que ces choses sont... En fait, c'est arrivé dans le monde occidental, c'est arrivé à un niveau où c'est tellement facile d'avorter. Et donc... C'est normal. C'est tellement facile. C'est normal, en fait. Les vies de ces enfants n'ont pas de valeur. Je crois que ces personnes, en réalité, si je vais dire l'ignorance, mais la parole du Seigneur nous dit que, effectivement, le peuple périt faute de connaissance. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'elles sont ignorantes de ces aspects spirituels qu'elles sont autant épargnées. Donc, elles sont véritablement en train de servir Satan sans le vouloir. Voilà. Merci. Frère Yassine, dans beaucoup de pays, il y a ce qu'on appelle l'ordre des médecins. Et dans cet ordre-là, beaucoup sont des francs-maçons. Beaucoup appartiennent à des loges sataniques. Et la grande masse qui voit dans ces différentes lois dont nous dénonçons ici, voit en cela la liberté ou bien le progrès dans, ils appellent ça dans l'évolution de l'homme. Cette grande masse ne perçoivent pas justement l'agenda satanique qui se cache derrière. Et les gens en blouse blanche sont... généralement dans le monde des ténèbres ont reçu des ordres à Satan pour implémenter cette loi-là et les pratiquer pour prendre du sang dans le royaume. Et de l'autre côté, ils font comme si c'était de l'avantage pour pouvoir prendre soin des gens sur la terre alors qu'ils sont en train de les détruire. Une fois de plus, n'est-ce pas l'hypocrisie des gens qui sont censés aider les gens ici, les médecins, dont vous faites partie du corps, Frère Hassan? Oui, frère. Bon. C'est clair que pourrais-je dire aujourd'hui quand tu marches nu, on dit aussi que c'est l'évolution. Nos mecs qui s'habillaient à l'époque étaient, je ne sais pas comment on va dire, mais bon, c'est ça la définition de la société aujourd'hui, l'évolution, tout ce qui est abominable. Et puis, il faut aussi le dire, c'est vrai que il y a toujours les ténèbres progressent. Parce que bien dit, c'est un petit groupe. D'abord, ça commence par un petit groupe et ça s'éparpille tout doucement. On commence toujours d'abord par des petites publicités, patati patata. Et c'est comme ça que ça entre dans la mémoire des gens, ça reste là gravé et on prend ça comme une coutume. C'est vraiment dommage. Bon, c'est dommage parce que le pire là, ça c'est quoi? C'est que ceux qui le font vraiment sans le savoir, ne savent pas quelle est la gravité de l'acte qu'ils posent. Mais est-ce que ça les épargne du châtiment? Malheureusement pas. Voilà. C'est dommage. C'est la solution de sortie. Nous allons voir pour voir ce que Dieu en dit tout à l'heure à la sortie d'ici, l'aspect chrétien de cela. Parce qu'en réalité, après avoir présenté toutes ces choses-là, nous faisons le diagnostic maintenant pour que les gens voient la gravité de la chose. Et puis par la suite, on présente dans là la pensée de Dieu derrière cette situation. Nous présentons d'abord sur l'aspect médical, l'aspect du droit, comment l'évolution a eu lieu. Et puis à la suite, nous présentons maintenant la volonté de Dieu. Quitte à maintenant à ceux qui nous écoutent de prendre la volonté de Dieu ou bien de rejeter et continuer la vie. Mais si quelqu'un nous écoute, il aura déjà écouté. Il n'aura plus jamais d'excuses. Nous passons maintenant à la sixième et septième question dont nous avons dit ici. Nous allons poser dans notre suite, dans le développement. Je vais avec la sœur. Est-ce que dans ton expérience, dans l'évolution de ta carrière, as-tu eu à confronter des gens qui sont venus vers toi, de proche ou de près ou de loin, pour demander à cet avortement-là? Et si oui, quel a été ton cas et ta réponse? Ne nous cache rien, d'accord, ma soeur? Tu sais que je ne cache jamais rien. Dis-nous. Non, en fait, je n'ai pas vraiment eu quelqu'un qui est passé directement pour me demander... de faire une intervention volontaire. Même au quartier. En général, c'est... Le conseil des jeunes filles. Non, mon frère, je ne suis pas charlatan. Non. Je n'ai pas vraiment eu personnellement une demande d'interruption volontaire de grossesse. Mais bon, voilà, j'en ai vu. As-tu quand même des collègues qui pratiquent? Si oui, quel est vos rapports? Comment tu les vois? Est-ce qu'ils se sentent heureux et ainsi de suite? Ah oui, les gynécologues en général, ce sont ceux qui font ça. Ma voisine la plus proche est gynécologue, du moins, elle fait sa spécialisation en gynécologie. Et l'autre jour, effectivement, elle m'a raconté aussi toutes ces interruptions volontaires, involontaires, ou je ne sais pas quoi, thérapeutiques, pas thérapeutiques. Et du coup, moi, je discute avec elle. On ne voit pas les choses de la même manière. Et, parlons de son expérience. Est-ce qu'elle-même, elle a des enfants? Oui. Elle tue les enfants des autres, elle voit sa part à la maison, elle dit bébé, bonsoir. Mais elle, en fait, pour elle ne le ferait pas. Mais comme c'est son travail, elle le fait parce que c'est son travail. D'où ma prochaine question maintenant te concernant. S'il arrivait donc, on t'impose ça, comme tu as dit pour le cas de ta camarade, pour le cas de ta collègue, elle ne le ferait pas, mais pour le cas de son travail, elle le ferait. Vous maintenant, en tant que médecin, la question est posée pour chacun de vous. Si vous êtes à faire cela, à pratiquer cela, et que c'est un devoir de le faire, est-ce que vous prendrez position là pour Jésus-Christ ou bien ne pas faire cela, ou bien vous devez le faire au cas où même où il faut démissionner? La sœur Reine d'abord, puis on va passer au frère Yacine. Je ne le ferai pas. J'ai l'annoncé même à la gynécologie aussi par rapport à ça. Est-ce qu'on pourra te dire que tu te tues? Frère Yacine, s'il arrive que tu dois faire avorter, est-ce que tu prendras position au point où, si on te demande, monsieur, vous devez démissionner? Vous êtes prêt à le faire? Bon, en tout cas, pour ce qui me concerne, je vais, de manière très simple, réciter dans 1 Thessaloniciens 5, 18, rendre grâce à Dieu en toutes choses et remercier mon chef de m'avoir gardé là pour le temps qu'il a voulu. Et puis bon, on continue ailleurs. On va prendre le taxi, comme on fera un jour. Frère Cyril, justement, comme tu l'introduis, merci. Frère Cyril, oui, même question. J'ai entendu un frère qui parle à Bamba Eba. Voilà. La chaîne de Bamba Eba, il disait que quand plus vous grandissez avec le Seigneur, plus il y a certains métiers que vous ne pouvez pas pratiquer. Faire une citation. Voilà, c'est ça. Frère Eba, on t'a introduit, on dit c'est toi qui as publié ça sur Bamba Eba, qu'il y a quelqu'un qui a dit ça. Qu'est-ce que tu dis maintenant si tu avais été devant? Il ne fait rien, mais on met tout sur moi. Oui. Bon. Non, et ça c'est clair. Pour moi, c'est clair, je ne passerai pas par quatre chemins. S'il fallait abandonner le métier, on en arriverait là. Mais quoi que vous aurez le temps maintenant, puisque vous êtes encore jeune, d'essayer d'étudier les messieurs subsidiaires déjà en entrée. La sœur Laurie, je te pose la question aussi. Oui, la question est posée, mais avant la question, moi j'aurais. Ma question c'était. Aujourd'hui, on connaît le Seigneur. Tout le monde dit non. Mais supposons celui qui ne connaissait pas le Seigneur, qui ne connaît pas. Moi, avant, je ne connaissais pas le Seigneur. J'ai travaillé en gynéco. J'ai donné les comprimés du lendemain. J'ai fait tout ça. Je savais tout. Non, n'avais pas vu de ma soeur. Allons doucement. Attends, là, il t'interrompt. Dis-nous doucement. Tu as tué les enfants aussi. Attends. C'est quoi devant le Seigneur aujourd'hui? Attends, ma soeur, on va aller doucement. Nous sommes la chaîne, d'accord? Ne coupe pas vite. On a tout le temps. Donc, tu veux dire quoi au juste, dans ton expérience déjà, doucement, d'accord? Juste avant. Oui, avant. Avant de connaître le vrai Dieu. Oui. Je l'ai fait, j'ai participé. C'est-à-dire quoi? Tu as fait quoi, ma soeur? En travaillant à l'hôpital. Tu as tué les enfants. C'est normal. C'est pour ça que j'ai bien dit, on est dans un système, c'est tellement normal que... C'est normal, je l'ai dit. C'est normal. Donc, restons sur ton expérience. Quand tu ne connaissais pas le Seigneur, quand tu le faisais, quel était ton état moral, ton état de conscience Franchement, pour moi, c'était normal. C'était vraiment normal. Donc, c'était sans regret. Je ne sais pas. Non, c'était quelqu'un ne veut pas d'enfants, elle ne veut pas grossir. Tout ce qu'on a dit au début, tout ça, j'ai déjà trop d'enfants, je n'en veux plus. C'était normal. C'est le système, tu es conditionné. Donc, là, t'entretenais pas avec la patiente pour essayer de la convaincre. Tu prescrivais ce qu'elle voulait. Non, écoutez, le médecin, on a tout organisé. Elle vient pour une hospitalisation, pour une aspiration le lendemain, elle vient la veille. Il faut lui donner des comprimés pour se détendre, pour tout préparer. Tu respectes, hein, le lendemain, c'est fait, et puis elle s'en va. Quand je l'ai dit, c'est tellement normal. C'est comme si tu faisais un pansement, comme si tu faisais une perfusion, une prise de sang. C'est normal. Donc tu as tué quoi, ma soeur? Oui, ce que j'ai demandé, ma sentence, c'est quoi devant le Seigneur? Que j'ai tué. Si on veut dire que j'ai tué oui. Il y a quelques années. Oui. Mais aujourd'hui, Dieu merci, je ne travaille plus, je ne fais plus ça, je ne pourrais même plus faire ça, parce que je connais la vérité. C'est cette grâce que j'ai pu avoir aujourd'hui. Je travaille beaucoup avec les personnes âgées. Et donc, je suis plus, même si je travaille avec les jeunes, c'est des trucs où aujourd'hui, j'ai pris position, donc j'assume. Donc, ce qui arrive, c'est que Dieu a voulu, simplement. Un de ces jours, tu rencontres une de ces femmes âgées, tu dis que c'est pas toi qui étais en gynécologie, que tu m'avais plus mené l'enfant. Si tu avais laissé mes enfants, tu m'avais conseillé, là, je ne serais pas ici dans votre pension de fou. Alors, qu'est-ce que tu lui diras maintenant en tant que chrétien? Non, même quand tu essaies de dire que... On essaie quand même de discuter, savoir pourquoi les raisons. Quand on te donne ses raisons, tu n'as plus de mots. Elle est sûre de son truc, elle a réfléchi, c'est comme ça. Et parfois, c'est vrai, on lui dit, écoutez, vous risquez demain d'avoir des problèmes pour concevoir, est-ce que... Ça vous dit, sur le champ, elle te dit qu'elle s'en fout, hein, c'est pas important, elle pourra adopter. Mais on est dans un monde de fou, hein, je sais pas, on est dans un monde de fou. Ouais. Alors, ma soeur, on ne sait jamais. Il se pourrait que les navettes de la vie te font encore tomber puisque tu as de l'espérance dans la gynécologie. Seras-tu encore prêt à pratiquer cela avec la loi française dont il fait, donc qui est dans laquelle tu exerces? Moi? Oui. Non, moi je peux plus travailler, non. D'où ma question. D'où ma question justement qui nous introduit dans ce point-ci. Est-ce que tu seras prête à ne pas le pratiquer au point même de démissionner? Non, frère, j'ai déjà même démissionné pour autre chose qui n'avait rien à voir avec l'avortement. On sait même pas encore ça qui va me faire plat. Alors c'est même, je fuis même seulement une fois. Oui. Je reste avec toi. Je crois que si il a passé la parole au frère Gagné, je ne sais pas si lui a posé la question. Je crois que c'est normal. Il va qu'il va brûler tout le laboratoire même avant de partir. Alors je passe. Donc on a besoin d'aller doucement vers la solution de sortir avant de toucher la Bible maintenant pour ce que la Bible en pense. La sœur Laurie, je reste avec toi. Quel conseil? On a trois groupes de personnes maintenant. Quel conseil donnes-tu au corps médical, tes anciens camarades de tuerie qui sont encore dans les domaines? Que ce soit en France et dans tout le monde entier qui peut nous écouter maintenant. Quel conseil leur donnes-tu maintenant par rapport à cette pratique pour le corps médical? Quel conseil donnes-tu aux jeunes filles qui partent le pratiquer et aux femmes qui pratiquent et qui ont pratiqué? Et quel conseil donnes-tu au gouvernement? Mon frère, sincèrement, s'ils n'ont pas rencontré Dieu, ils ne vont rien comprendre, sincèrement. Parce qu'ils ne vont rien comprendre. Donc, il n'y a que Dieu qui peut t'amener à ne pas faire certaines choses, sincèrement. Sinon, pas ça, c'est, tu parles le charabia, ils vont rien comprendre. Hein. Ils vont rien comprendre. Mais il n'y a que Dieu. Moi, je pense qu'il n'y a que lui qui peut toucher les cœurs, qui peut faire à ce qu'on ne fasse plus ça. Mais de toi, tu ne croyais pas Dieu. On est différent. Les frères, là, on est dans quel monde comme ça? On est dans un monde bizarre. Hein. Parfois, je me rends de fou. Moi, je vous dis. Hein. Bon, ce qu'on va faire, c'est que je crois que nous allons prier. Ou bien qu'il y a un chrétien qui invite, qui essaie d'inventer un soucoupe, au lieu de passer dans le temps dans la médecine, aller dans la recherche, un soucoupe, on nous va dans une autre planète qui est plus bien quoi. Et là, c'est Loris. Comme ça, on se retrouve, on dit que tous les chrétiens qui sont fâchés de ce monde-ci, entrent dans la soucoupe, on va faire notre monde là-bas. Non, mais c'est grave, hein. Moi, je sais pas où les autres qui vivent, mais moi, sincèrement, c'est... Je ne sais pas si vous avez vu le ministre au Luxembourg qui s'est marié officiellement, là, célébré des trucs. Oui. Non, c'est grave. Franchement, je suis fatigué. Oui, c'est le mot sexualité. Je crois qu'avec l'Italie dans la sainteté, nous travaillons là-dessus. Et on va voir cette image-là du premier ministre luxembourgeois qui embrasse son amant avec les terminologies voilà, de couple. Voilà, j'ai envoyé la vidéo. Ça te fatigue. Donc, c'est un bon mariage. Un bon mariage. Justement, frère Cyril, qu'est-ce que tu en dis? Quel conseil donnes-tu au corps médical, tes anciens amis tueurs ou bien tes amis tueurs? Aux enfants, jeunes filles, comme garçons qui pratiquent cela, aux clandestins qui le font clandestinement, comme on le dit, et puis au gouvernement. Bon, je vais un peu revenir sur ce que la sœur Laurie a dit. Bon, tu sais, on ne peut pas dire de façon factuelle, mais de façon, enfin pas factuelle, systématique, on ne peut pas parler aux gens ne comprenant pas. Parce que lorsque quelqu'un a la semence du Père, lorsqu'il entendra quelque chose qui vient de lui, même s'il n'est pas encore éclairé, ça peut l'interpeller. Donc, on ne peut pas dire de facto que bon, ça ne sert à rien. Donc, la sœur Lorée a refusé le conseil à ces gens-là que non, si Dieu ne les attrape, on les laisse tranquilles, quoi. Bon, je ne vais pas Mais de toute façon, s'il faut clarifier les choses et lui donner le conseil qu'il faut, je le dirai clairement. Allons-y, groupe par groupe. Commençons par tes collègues. Je veux le dire que, mes gars, arrêtez ça, c'est pas bon. Arrêtez ça. Donc, tu dis aux médecins dans le monde entier d'arrêter les interruptions, même si la loi le permet. C'est pas bon. Et aux jeunes filles, une jeune fille qui a été violée par un bandit, elle est tombée enceinte. Tu dis que l'enfant, il accouche un bandit, c'est ça? Bon, dans ce cas-là, vraiment, selon que le Seigneur t'inspire à ce moment-là, tu me parles. Tu me parles, et ça n'a pas besoin d'être logique, ou bien de vouloir la. Tu ne dois pas essayer de la convaincre, tu dis ce que Dieu te dit à l'instant. Et selon l'appartenance à laquelle elle est originaire, alors elle comprend ou elle ne comprendra pas. Dis-le maintenant, puisque on en a dit écouter ce bambéba, il y a certainement des filles qui nous écoutent qui ont été violées par leur frère, par leur père, elles ne parlent pas, elles sont enceintes. Dis-le donc. Qu'est-ce que Dieu te dit de le dire? Tu lui dis que c'est Dieu le justicier. C'est Dieu qui rend justice. Elle ne veut pas que la grossesse se connaisse parce que sa maman est là et son père l'a violée et l'enfant se trouve dans son ventre. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Ne commets pas le tort à cet enfant que ton père t'a commis. C'est Dieu le justicier. Donc elle doit accoucher son petit frère, quoi. Point de situation. La sœur, hein? Oui, c'est dur, hein? C'est dur, ma sœur. Quel conseil donnes-tu à cette fille qui nous écoute maintenant, qui a été violée par son père? Et sa mère n'est pas au courant. Et elle est enceinte de 3 mois. Qu'est-ce que tu lui diras? Ah là là. Ça, c'est dur, hein, mon frère. Ça, c'est... Qu'est-ce que la période dure, ou quoi, ma soeur? Tu dis quoi? je vous avais promis qu'il allait poser mes questions ce soir, non? Ce que je lui dirais. Elle est en train de penser maintenant à l'avortement. Elle est en train de penser comment elle va aller voir un médecin du quartier. On va lui donner le blue, mélanger avec le sel et autres, elle va boire pour faire expulser l'enfant. Qu'est-ce que tu lui dis? C'est clair que je lui dirais que c'est pas la solution en fait. C'est pas la solution d'avorter. Si l'enfant sort, le ventre sort, elle va devoir dire à la maman qui est le père de cet enfant. Et ça risque de créer la zizanie dans la famille. Et même le divorce. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Mon frère, ça va sauf que sortir. Elle va sauf que dire à sa mère. Et sa mère va sauf que c'est divorcer. C'est Dieu qui donne la vie. Donc, elle peut rien faire. Si cet enfant donne elle, il va naître. Elle n'a rien d'autre à faire. Voilà. Alors encore vers la sœur Loris. La sœur Loris, qu'est-ce que tu dis à ces jeunes filles dont je viens de parler? Quand je lance du temps, tu dis quoi? Tom, tu dis quoi? Je reprends, je pose la question. Non, vous avez toutes les plateformes. Par exemple, demain à 9h, nous travaillons dans la France, dans la sainteté. Vous avez les plateformes de me poser des questions. Ici, c'est moi qui ai le tableau de poser des questions. Donc, c'est vous les spécialistes. Moi, je pose des questions. Il vaut là-bas la touche. En fait, Dieu va m'aider parce que moi, c'est du pardon. Oui. Donc, cette personne qui nous écoute, c'est Bamba Eba. Quand le jour que Dieu va contacter, voir aider la sœur Loris, contacte les adresses qui est là-bas, on va l'appeler. C'est ça, n'est-ce pas? Voilà. Alors, le frère Eba, ces cas d'école dont je viens de citer maintenant, et les gens sont de nous écouter maintenant, au nom de Chénie Jésus Christ, les jeunes filles sont de nous écouter maintenant, sont enceintes par suite des mauvaises malversations sexuelles, et elles ne savent pas comment faire. Les penseurs, elles viennent de pouvoir avorter. Et là, nous, elles tombent sur cet enseignement. On traite de l'avortement. Le Saint-Esprit parle maintenant. Qu'est-ce que tu lui dis, mon frère? Amen. Alors, déjà, tu avais la première question, tu l'avais posée, enfin, pour le corps médical et tout. Oui. Eux, déjà, je veux leur dire que cette histoire de viabilité de 20-23, qu'ils oublient tout ça. Parce que l'enfant vit dès la conception. Voilà. Et on le voit bien dans la vision que la sœur a eue, dont parlait le frère tantôt. Voilà, l'esprit est venu lui dire que tu me donnais tes enfants. Oui. Il n'a pas dit des œufs ou des fœtus. Oui. Voilà. Il a dit enfants. Donc, Voilà, donc c'est clair que ce sont des enfants. Mmh. Voilà. Et donc, la seule autorité qui donne les enfants, c'est le Seigneur Jésus-Christ, oui. Quelle que soit la situation dans laquelle cela arrive. Oui. Donc, à cette jeune fille qui a été violée, que ce soit d'une personne inconnue ou de son père ou de qui que ce soit, c'est vrai que c'est une situation qui est difficile, mais qu'elle sache que l'auteur de la vie ici, celui qui lui a mis cet enfant dans son sein, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si, à cause de cette douleur qu'elle ressent, elle commet un autre acte, peut-être même plus odieux que celui qu'on lui a fait, c'est-à-dire en tuant un être, alors qu'elle n'a pas autorité pour ôter la vie, elle aura à rendre compte. Et tous ceux qui font les avortements, que ce soit des médecins, que ce soit n'importe qui, il aura à rendre compte de ses actes. Maintenant, au gouverneur, qu'est-ce que la sœur Loris dit de moi là encore? J'ai encore fait quoi la sœur Loris? Non, je dis que nous, on va faire comment? C'est pour ça que nous sommes sur la terre. Non, mais master, pour toi, c'est pas. Tu as déjà demandé pardon. C'est pour cela que nous allons sortir avec la solution biblique maintenant pour ceux qui ont déjà pratiqué à cela et qui sont tombés dans le coup de la loi, qui pensaient que la loi les protégeait ou la loi donnait le droit. Nous allons toucher cet aspect-là parce que ici c'est l'aspect spirituel de la restauration. D'accord, ma soeur? Merci, mon frère. Voilà. Le frère Ibrahim, tu étais sur le point de parler maintenant au chef d'État et les gouvernants qui se laissent berner par ces lois d'Union européenne sur la chose de la Banque mondiale qui te finance, vous finance et vous donne leur loi à obéir. Qu'est-ce que les gouvernants, particulièrement des pays du tiers-monde, doivent faire? Et ceux qui nous écoutent maintenant, et tous ces gouvernants, et les chefs d'État du monde entier qui donnent cette loi-là aux gens pour détruire les familles et les noyaux de la société. C'est vrai que tous les pays courent derrière les financements, particulièrement les pays dits en voie de développement. Tout le monde court derrière les financements de ces institutions, de la Banque mondiale et autres, qui sont dirigé clairement par Satan. Donc lui, il a son agenda qui déroule. Eh bien, il ne mettra en œuvre que des directives, en tout cas, qui lui permettront d'arriver à son but, d'atteindre son but. Donc cette thématique que nous sommes en train de débattre, donc l'avortement, l'autorisation de l'avortement. Donc les gouvernants en général ont intérêt à s'éloigner de ce type de directive. C'est clair que c'est quasi impossible pour eux, en tout cas pour la majorité, mais au risque de me répéter, chacun aura à rendre compte de ses actes, que chacun fasse ce qu'il a à faire, mais il sache qu'au bout du compte, ben, il faudra rendre compte. Voilà. Merci frère. Frère Gaël, même question. Quel conseil donnes-tu à tes amis, ceux qui fabriquent les médicaments pour faire avorter les femmes ainsi de suite et qui connaissent des produits et les mélanges toxiques pour pouvoir intoxiquer l'enfant et le faire dissuader de sortir? Je crois que, comme nous avons déjà dit, on risque de répéter ce qu'on a déjà dit. L'enfant, c'est-à-dire l'œuf, c'est un humain. Donc, dès lors qu'on interrompt, dès le lendemain, s'il y a eu la fécondation la nuit, le lendemain, c'est un humain. Donc, toute personne qui interrompt une gestation déjà, est en train de combattre le Seigneur. Parce que quiconque lutte contre la procréation combat directement la procréation. Donc, sans le savoir, ces personnes sont en train de travailler avec Satan pour combattre Dieu. Et je crois que personne ne voudrait avoir Dieu pour ennemi. Personne ne voudrait pour Dieu. C'est une chose très grave. Et je dirais que véritablement, malheureusement, c'est un marché qui est tellement juteux. Je dirais qu'un chrétien, ça c'est par rapport à la force. Vers le micro, mon frère, vers le micro, ton micro a des problèmes, oui. Ok, donc je dirais qu'un chrétien, si je veux ramener à mon secteur qui est la pharmacie, ne devrait pas, en tant que pharmacien, se spécialiser dans des secteurs pareils, la contraception, la contragestion, voilà. Et si tu as même ta pharmacie, tu ne vends pas ces choses, tu n'es pas obligé lorsque tu... Voilà. Donc, tu peux être médecin sans faire, sans faire des IVG. De la même façon, tu peux être pharmacien sans vendre les médicaments contraceptifs ou les médicaments contragestifs pour arrêter les grossesses. Donc, je dirais que toutes ces personnes véritablement luttent contre le Seigneur et vont payer, et vont finalement voilà, rendre compte à Dieu. Parce qu'il y a un jour où Dieu va appeler chacun de Alors maintenant, mon cher frère, un de tes collègues italiens nous écoute maintenant. Il a fait toute sa carrière dans ce domaine-là. Il a conçu ses immeubles avec tous ses enfants fréquentés en tuant les gens dans ses pharmacies. Qu'est-ce que tu le conseilles de faire avec son industrie qu'il a construite par la suite des meurtres des enfants? Alors, je lui dirais, en fait, il n'est jamais tard pour renoncer. Il y a des personnes qui ont changé de cap après avoir construit des empires. On a vu Steve Jobs à la fin de sa vie regarder la richesse et dire tout ça, ce n'était finalement rien, j'ai couru après le vent. Il a parlé véritablement comme Salomon. Donc, après avoir, ça ne coûte rien d'avoir, j'ai Bayer, j'ai ceci, j'ai le plus grand empire médical, le plus grand empire pharmaceutique. Et puis à la fin, tu te rends compte que voilà, tu as détruit des vies. Elles sont nombreuses, les femmes qui ont eu à avorter, mais qui ne reviendront jamais te dire qu'elles ont subi des châtiments psychologiques. Et donc, ces personnes croyant aider à cet instant-là, véritablement, ont détruit plusieurs vies. Donc, je dirais qu'il n'est jamais trop tard pour changer. Oui. Le changement, c'est maintenant. Et c'est un acte, c'est une décision qu'il faut prendre et qu'il faut assumer. Et voilà, il faut véritablement renoncer à ces choses. Parce qu'on peut toujours s'en sortir dans la vie. On peut être heureux sans forcément détruire les autres, sans forcément tuer. Pourquoi donc se servir de la mort des personnes? Pourquoi détruire des personnes pour être heureuse et pour être riche? Si on peut faire sans ça, donc voilà. Frère Yassine, les gens nous écoutent maintenant. Les femmes ont tellement avorté que dans le sommeil, elles entendent des cris des enfants. Quel conseil donnes-tu à ces femmes qui nous écoutent maintenant qui veulent aller avorter alors qu'elles se trouvent dans les conditions dont j'ai raconté maintenant à nos sœurs, violées par ses parents ou bien par les bandits, et qu'elles se trouvent enceintes, d'autres encore à l'université se trouvent là, leurs parents comptant sur eux, c'est leur fille unique. On lui avait donné tellement de conseils qu'elles se préservent. On voudrait la voir avec un homme à la maison, dans une famille respectable, mais se trouve maintenant avec un voyou qui fume les chanvres indiennes, qui l'a enceinte. Cette fille veut avorter. Toi, tu es médecin. Qu'est-ce que tu dois le dire maintenant? Au fait, ce que je dirais à cette jeune demoiselle, c'est que on a tous des plans parfois dans la vie, mais qui ne marchent pas toujours comme on veut, ou du moins, c'est-à-dire qu'on ne les atteint pas toujours par le chemin qu'on souhaite. C'est pour dire à cette fille aussi que c'est vrai, ses parents souhaitent quelque chose d'elle, mais elle peut toujours atteindre ses objectifs en ayant un enfant. Et comme le frère Cyril a dit, comme tous les frères ont dit, il n'y a pas de discours standard. Ça dépend aussi de comment la personne se présente devant toi et comment je te sens aussi inspiré. Parce que c'est une situation difficile, il faut l'avouer, très très difficile. Et je crois que à cet instant-là, au moment-là, il faut que le Seigneur t'accorde de la sagesse pour savoir comment agir avec cette fille ou avec cette jeune fille. Donc, moi, à mon avis, je lui dirais c'est vrai que ça paraît peut-être être un scandale, mais avoir un enfant, c'est toujours une occasion de réjouissance. Et un enfant n'a jamais empiété vraiment sur les projets de quelqu'un, tu pourras les atteindre peut-être plus pas autant que tu aurais souhaité un peu plus tard, mais ce n'est pas automatiquement dit que tu ne vas pas atteindre tes objectifs. Et cette autre fille qui habite avec son papa, qui l'a violée et que, dont sa maman ne sait pas qu'elle couche avec sa fille, elle est tombée enceinte. Qu'est-ce que doit faire cet enfant? Oui, vraiment, je crois que je ne peux rien dire de mieux que ce que le frère Cyril a dit tout à l'heure. Donc, l'enfant là, il n'y est pour rien. Mm. Tout ce qui s'est passé, ça veut dire que si toi-même tu enlèves cet enfant, ça veut dire que tu n'es pas différent de ton père. Mm. En fait, donc, tout ce que tu accuses à ton père, on pourra t'accuser de cela. Et si elle accouche, sa mère voit qu'elle est enceinte, elle divorce. Qu'est-ce que l'enfant, la mère y est pour quoi? La mère, je ne comprends pas. Maintenant, je n'ai pas compris la question, frère. Si la maman voit que la fille est enceinte, elle va divorcer de son père. Et voilà maintenant l'enfant qui va naître, qui est le petit frère de la fille. Qu'est-ce que cette fille doit faire? Qu'est-ce que sa maman a fait pour mériter ceci? Qu'est-ce que sa maman a fait pour mériter ça? Oui. Bon, au fait, je crois que là, c'est... Là, maintenant, c'est ça, c'est une question que la mère doit résoudre en famille. Mais pour la fille qui se présente devant moi, oui. Je vais lui dire simplement... Ta maman décide et toi tu peux décider. Toi tu as la possibilité présente et actuelle et ponctuelle de sauver la vie de cet enfant. Oui. Elle sauve la vie de l'enfant, la famille est disloquée. C'est ce que je t'en ai dit. La famille est disloquée. Oui. Ok, on peut pas dire que. Je ne pourrais pas dire que ce sera de sa faute. Mmh. Moi je vais dire que ce n'est pas de sa faute. Elle a fait ce qui est juste et ce qui a son pouvoir. Mmh. Elle n'avait certainement pas le pouvoir. De dire à sa mère de rester, mais c'est l'acte qu'elle pose. C'est donc selon la capacité qu'elle a, elle peut garder cet enfant. Mm. Il y a des choses qu'on peut faire dans la vie, il y a des choses qu'on n'a peut-être pas la capacité, mais elle a la capacité présente de sauver la vie d'un enfant. Mm. Sa mère peut-être peut se rendre après compte qu'elle a eu tort, qu'elle a eu raison, mais si elle a tué l'enfant, sa mère peut se réconcilier avec son père, peut-être après 5 ans et après avoir vu l'enfant même. Ça peut arriver, mais elle, si elle tue cet enfant, c'est un chemin de non-retour. Donc, qu'elle accouche son petit frère. Qu'on l'appelle comme on veut, c'est difficile, mais c'est le conseil que je lui donnerai, amen. À mon avis. Et à tes amis, les tueurs, les collègues qui tuent. Bon, à mes collègues, vraiment, je crois que je ne peux rien ajouter de plus que ce que les frères nous ont dit. D'arrêter les tueries. Voilà. Et puis voilà quoi. C'est ça. Merci pour tout votre délicat conseil qui non seulement vient éclairer la lanterne de tous ceux qui sont en train de passer par ces difficultés et aussi éclairer les ténèbres parce que c'est l'une des missions principales des chrétiens, c'est d'éclairer les zones des ténèbres qu'il y a sur la terre et de saler les endroits pour des pourritures de vie. Qu'a causé Lucifer avec tous ces cohortes démoniaques des scientifiques, n'est-ce pas, frère? Nous sommes en guerre, frère. Nous sommes en guerre. Et pour cette guerre-là, nous allons dégainer justement la parole. Parlant de la parole, justement, la parole de Dieu dit dans le livre des Genèse, chapitre 1, que Dieu a créé l'homme à son image. Mon frère, est-ce que je peux juste oui. Oui, tu veux dire, oui, ma soeur. Non, en fait, il ne faudrait pas aussi qu'on oublie que l'avortement thérapeutique aussi ne devrait pas être fait. Hein. Oui. Explique-toi davantage, ma soeur. Ce qu'ils appellent l'avortement thérapeutique, ça veut dire que si on se rend compte que dans tous les diagnostics qu'ils vont faire, il y a des causes liées d'abord au fœtus qui peuvent. Donc ça veut dire que si le fœtus a une malformation. Nous allons voir ça maintenant dans la parole, parce qu'il y a des fœtus dans la parole. Nous allons voir le cas de ces fœtus-là dans la Bible maintenant. Et nous allons voir maintenant ce que les gynécologues avaient dit au temps de Jésus. D'accord, ma soeur? Oui, parce qu'il ne faudrait pas qu'on oublie, ça fait toujours quand même un avortement. Oui, donc l'avortement, c'est l'avortement. Exactement. Voilà. Donc dans Genèse chapitre 1, la Bible déclare que Dieu créa l'homme à son image, il le créa homme et femme. Et dans l'une des missions, après les avoir créés à son image, Dieu va investir, au chapitre 1, verset 26, 27, 28 et le suivant, le verset suivant, investir l'homme et la femme de la mission de multiplication. Ici, nous entrons dans la pensée de Dieu par rapport à la terre. D'autres personnes, pour ceux qui sont au Moyen-Orient, tuent des enfants, interrompent les grossesses sous prétexte qu'il y a de la surpopulation. Sous prétexte qu'il y a de la surpopulation dans leur continent, ils se décident, eux, de stopper ceux qui doivent être là alors qu'ils ont occupé. Sans se poser la question si les autres avant avaient stoppé aussi pour eux, ils ne seraient pas là en train de prendre la décision. Mais ça donne le droit de stopper et de stopper ceux qui doivent être dans le continent et empêcher le développement de la population. Pourtant, ce principe et cette pensée, c'est louable sur le cadre de, dans le cadre de la dimension gouvernementale dont nous parlons, dont je parle chaque fois. Mais derrière cela se cache l'agenda satanique. Dans le cadre de la Bible, pour ceux qui explorent généralement la Bible, vous allez voir qu'au temps de Moïse, quand Moïse va naître, un agenda satanique sera bien tissé tout autour des pharaons, où on va dire que désormais, il faut qu'on tue les enfants mal parce qu'ils vont sortir les décrets. C'est pour ça que vous allez comprendre chaque fois le mensonge satanique qui est derrière qui se trouve derrière le gouvernement. Vous allez voir effectivement que dans cette assemblée générale convoquée par ce pharaon et que ses conseillers ont été là-bas, les spécialistes de la médecine ont dit, ont donné les solutions après que les spécialistes de la démographie et de la défense ont donné. Alors, un général de la défense a dit, voici donc ce que le ministère de la défense propose à Pharaon, c'est que si cette population qui se multiplie ainsi, et il y a une guerre qui éclate contre nous, puisqu'ils sont les esclaves parmi nous, ils vont se joindre à l'ennemi pour nous tuer. Donc, défensivement parlant, la stratégie de la défense était claire. Ils avaient le papier bien clair. Et c'était clair qu'en réalité, si Israël attaque, c'est une stratégie de guerre. Ils peuvent se joindre à l'ennemi pour pouvoir se libérer. Maintenant, qu'est-ce que les médecins vont dire? La solution, c'est ceci. On va les injecter des formules. On va les injecter des choses. La faute de laboratoire de Gaël. À la sortie là-bas, les enfants, là, on va les tuer, tous ceux qui sont du mal. Et un décret dont on va sortir pour faire tuer les enfants. Vous voyez donc derrière ces différents justificatifs présentés qui sont normaux sur le plan humain, derrière ça se cache l'agenda satanique. C'est ainsi donc de toutes charges, de tous ces mensonges-là que le gouvernement présente. On présente en réalité la liberté pour les enfants, mais en réalité, on a dit de combattre contre Dieu avec la destruction de la famille. Après avoir détruit la famille, en ordonnant le mariage pour tous, le mariage des same sexe, on a touché maintenant le genre, l'éducation sexuelle à l'école pour pervertir les enfants et les rendre sexuellement actifs dès le bas âge. Par la suite, on va maintenant faire maintenant que quelqu'un est libre de s'appeler homme et femme depuis l'enfance. Vous voyez effectivement maintenant, au fur et à mesure, les différentes pièces de puzzle sont en train de se construire. Mais dans la Déclaration universelle des droits de l'homme dans son article 16, comme il dit à l'alinéa 3, il parle de la famille comme étant quoi? L'élément fondamental, l'élément essentiel du noyau de la société, de la construction, dont les sociétés et l'État doivent protéger. Mais au fur et à mesure que le temps passe, on voit effectivement que non seulement ils ne protègent pas ça sur le plan universel, mais de façon individuelle, ils imposent aux États ces différentes lois-là qu'ils doivent implémenter dans leur foyer. Donc, ils s'assurent que derrière ces lois francs-maçons se trouve la destruction minutieusement plantée, enfin, programmée par Lucifer. Souvenez-vous, derrière cela se cachent des agendas sataniques pour la destruction massive du corps, pour les pousser à une certaine révolution. En fait, on est en train de rendre les gens robots pour qu'ils puissent plus penser comme ils le doivent. C'est la loi satanique dans la Bible. Le décret satanique dans la Bible satanique, c'est « Do what thy will ». Ça veut dire que faites ce que vous voulez. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Personne ne doit vous restreindre de n'importe quoi. Personne ne doit vous interdire n'importe quoi. Il n'y a pas en réalité d'interdit. Il n'y a pas d'arrêté d'interdit. Vous devez questionner. Comme Anton Zandor, la vie, le disait, qu'il doit interroger n'importe quoi au point où il va aller même devant le trône de Dieu, attraper sa barbe et lui frapper une hache sur son crâne pour qu'il dise ce qu'il a envie de faire là-bas. C'est ce que cet homme-là a dit. Donc derrière tous ces agendas-là se cachent dans les plans lucifériens pour pouvoir détruire la famille. Nous voyons donc d'abord, dans les Saintes Écritures, nous voyons dans la Bible, la première anti-loi de Dieu se trouve effectivement dans le livre de Genèse au chapitre 11 concernant cette multiplication. La Bible déclare que les gens allaient du côté de Noé vont aller construire un foyer et ils vont commencer à se développer là-bas. Ils vont dire quelque chose de sérieux en disant que maintenant, nous sommes devenus les hommes, nous sommes sages, nous sommes intelligents, nous sommes renommés. Réunissons-nous ici dans un gouvernement mondial. Empêchons-nous d'être détruits plus tard, d'être dispersés sur la terre. Et ce décret qu'il a eu de peur d'être dispersé sur toute la terre est un affront direct à la loi de Dieu qui avait dit à elle, quant à elle, de se répandre sur la terre pour se multiplier. Donc Dieu parle de la multiplication, de l'expansion sur la terre. Une loi sort sous Némrod en disant qu'il faut se réunir pour empêcher cela. Donc vous voyez que de façon subtile dans la Genèse, Dieu nous présente déjà que chaque loi de Dieu sur le plan humain va être confrontée. Et c'est donc ce que nous allons voir dans le livre de Genèse, Proverbe chapitre 22, verset 5 et suivant, par rapport à l'enfant, insulte l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il va grandir, il ne va pas s'en détourner. Vous voyez? Et maintenant, la Bible déclare que si on doit corriger les enfants avec le bâton, la verge de la correction, pour que la folie qui doit s'attacher à son cœur puisse s'enfuir. Aujourd'hui, les lois viennent pour qu'on ne corrige pas cet enfant avec cette chicotte-là. On va parler de la maltraitance. Et cette personne qui protège l'enfant en maltraitance prend ce même enfant pour donner dans un couple homosexuel qui peuvent l'abuser. C'est quand même un paradoxe, un fou tout dans le monde entier aujourd'hui maintenant où le mal est appelé bien et le bien est appelé mal. Donc vous voyez effectivement que le bâton de la correction, et David déclare que châtie ton fils quand il y a de l'espoir, parce que tu vois, on va délivrer son âme du séjour des morts, mais on ne doit pas vouloir sa mort en le faisant. Cette personne-ci prenne plutôt cet enfant, vende son âme au diable dans un foyer diabolique dont cet enfant n'a pas choisi d'aller. Mais par rapport aux aspirations des démoniaques pédophiles qui ne désirent qu'à se satisfaire avec les enfants nouveaux avortons. Maintenant, ces avortons, maintenant, sur un autre plan, maintenant, comme nous sommes touchés ici, maintenant, va poser problème. Parce que d'autres personnes prennent la source des vies innocentes qui se trouvent à l'intérieur dans cet agenda satanique, appelé donc maintenant interruption volontaire de la grossesse. Donc, nous voyons donc, depuis les Saintes Écritures, dans Genèse chapitre 1, la volonté de Dieu de multiplier. Et lorsqu'on parle de multiplication, sur le plan humain et sur le plan animal, toute cette multiplication se passe de la même façon. Une semence mâle rencontre une semence femelle, et pour faire la reproduction du système, et puis engendrer et perpétuer la race sur la terre, comme Dieu l'a dit. Maintenant, dans le corps de l'homme, l'homme va commencer donc à vouloir interrompre cela dans un agenda satanique, j'ai dit et je répète, dans un agenda satanique bien programmé pour empêcher la multiplication. Parce que Dieu, lui, l'a dit, il faut qu'on multiplie. Les hommes vont sortir des lois sur la terre pour restreindre cela. Et par conséquent, donc, l'interruption volontaire de la grossesse en fait partie. La sœur Monique doit fermer son micro. Du coup, elle va se réveiller maintenant. Les enfants l'ont dérangé. Elle s'est réveillée. Dans la progression donc maintenant de ces révélations du Seigneur, nous voyons effectivement que les enfants qui naissent du Seigneur, doivent être considérés, et c'est ce que la Bible déclare, comme une bénédiction. Donc les enfants qui naissent d'abord sont connus. On dit les fruits des entrailles sont une bénédiction. Et c'est donc une personne donc qui part avorter, ce sont une personne qui refuse donc la bénédiction de Dieu. C'est la plus grande bénédiction qu'une femme puisse avoir sur la terre. C'est la plus grande bénédiction qu'un homme puisse avoir sur la terre, de reproduire une image de lui et de passer le flambeau, de passer le relais. Dans la Bible maintenant, au chapitre 28, je ne sais pas si je vais vivre là parce que je vais vraiment courir pour rattraper maintenant ceux du Canada. Dans la Bible, dans le chapitre 28, nous trouvons maintenant un homme, je vais donner le passage et puis je vais citer tout simplement. Dans Genèse chapitre 28, nous trouvons un homme, le fils d'Isaac, le fils d'Abraham, qui a besoin de l'enfant et prie Dieu que Dieu lui donne de l'enfant. Sa femme, Rebecca, tombera enceinte de deux enfants. Les deux enfants sont dans le ventre en train de bagarrer. Souvenez-vous de ceci, nous parlons là maintenant de l'enfant qui se trouve à l'intérieur du sein maternel. Bagarre, et Rebecca prie Dieu pour savoir pourquoi cette grossesse. J'aurais souhaité ne pas avoir de grossesse si c'est cette douleur d'enfantement, ce que je veux dire à ce niveau-ci. Dieu va lui révéler donc son plan en disant: deux nations sont dans ton ventre et à la sortie, de cette camp, à la sortie, le plus grand sera assujetti au plus faible. Il parle de deux nations, il n'a pas dit deux fœtus, il n'a pas dit ces deux spermatozoïdes, il a dit deux nations se trouvent dans son ventre. Maintenant, qu'adviendrait-il si Sarah, si Isaac, comment s'appelle cette femme-là, si Rebecca avortait de ses enfants-là maintenant? Si on se pose la question, on s'arrête là sur ces versets. Dieu dit deux nations sont dans ton ventre. Vous voyez le principe de la multiplication. Donc, les nations qui sont connues aujourd'hui comme les nations d'Israël, cette nation d'Israël qui a tellement béni la terre sur tous les aspects du terme, si Rebecca avait avorté de Jacob, qui est devenu par la suite Israël, qu'adviendrait-il de la nation d'Israël que nous connaissons aujourd'hui? Vous voyez le problème de ce qui se passe, n'est-ce pas? Alors, ça veut dire qu'en réalité, s'il y avait l'avortement, Rebecca avait avorté, tout le plan de Dieu aurait échoué, parce que tout le plan de Dieu de la rédemption, tout, la loi de rachat, c'est basé sur ce fœtus qui est censé développer. Autrement dit, d'après la Bible, nous voyons effectivement que Dieu implémente ses destinées même avant la conception des deux spermatozoïdes avec la gamète. Le programme est donné avant que ça ne vienne en marche. Et c'est ce que nous allons rencontrer dans le psaume 139, les versets 14 à 16, que si le Seigneur permet, on va lire. Dans le psaume 139, versets 14 à 16, dans le livre des prophètes Jérémie, chapitre 1, verset 5 à 10, et puis dans le livre des Galates, chapitre 1, verset 11 à 16. Nous voyons effectivement dans ces différents versets révéler la destinée de Dieu. David, dans ce psaume 139, dit clairement que ses jours n'étaient pas cachés devant lui lorsqu'il a été tissé dans les profondeurs de la terre. Vous voyez, il dit que lorsqu'il était formé dans le sein matériel, tu me connais et tous les jours de ma vie étaient écrits avant qu'aucun d'eux n'existât. Donc nous comprenons effectivement que David reconnaît par là que, avant qu'il ne soit conscient maintenant en tant qu'homme, avant qu'il ne soit manifesté sur le plan humain en tant qu'homme, sa destinée était écrite devant le Seigneur et tous les jours qu'il est censé vivre sur la terre étaient écrits avant qu'aucun d'eux n'existât. Avant qu'aucun d'eux n'existât, avant qu'il vienne dans le monde pour commencer à vivre le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, c'était programmé. Donc nous comprenons effectivement que faire donc interrompre un enfant du ventre de la mère, c'est faire atterrir et c'est une atteinte donc à l'arrêt de la destinée programmée par Dieu dans une vie. Jérémie, chapitre 1 également, va dire ces choses-là où Jérémie sera envoyé par Dieu pour parler aux nations. Jérémie va dire, je suis un enfant, je ne puisse pas y aller. Il dit, ne dis pas que je suis une nation. Avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je t'avais établi prophète sur les nations. Alors si je le prophète Jérémie, sa maman l'avait avorté, où l'en serons-nous aujourd'hui avec le livre de Jérémie, avec toutes ces prophéties qui ont été données? Il dit, avant que tu sois formé dans le ventre, écoutez bien attentivement encore le mot, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, avant que je n'étais formé dans le ventre de ta mère, avant que tu ne sois formé. C'est-à-dire avant que le papa de Jérémie et sa maman ne vont encore ces jours-là, des jours de romantisme, Jérémiade, ces nuits-là, pour aller rencontrer Jérémie. Avant que les gamètes mâles et femelles puissent aller se rencontrer, Jérémie était connu de Dieu et tous les jours de sa vie étaient connus. Il était appelé prophète avant que la maman n'ait pas tourné, défilé devant le papa de Salomon, enfin le papa de Jérémie, ce soir-là, pour que la rencontre ait lieu. Vous voyez? Donc, non seulement, et sur cette base-là, non seulement l'avortement est un crime, mais l'interruption même de que la grossesse n'arrive, ce que vous appelez contraception, est un crime. Et nous voyons avec ces paroles de Jérémie. Parce que Dieu dit, avant qu'il ne te forme dans le ventre de ta mère, comment Dieu l'a formé? Il n'a pas formé tout simplement avec la parole comme il a fait pour le cas d'Abraham, le cas d'Adam, pour qu'il puisse venir en existence. Non, il le fait en travers de la sémence. Gardez-vous à l'esprit, c'est ce mot aussi, la sémence. Donc le spermatozoïde, c'est donc pour cela que dans le livre de Genèse, chapitre 38, à partir du verset 6, où on parle de Judas, le fils de Judas, Tama, et ainsi de suite. Nous voyons effectivement comment quelqu'un va se souiller à terre parce qu'il savait que la postérité qui devait naître ne devait pas de lui. Il s'est souillé à terre. Ce qu'on appelle aussi aujourd'hui en médecine, je crois que c'est vous qui le faites, le coït interrompu. Et dans ce coït interrompu, Dieu a vu qu'il était méchant. En faisant cela, le coït interrompu, Dieu a tué quelqu'un à cause de cela. Vous voyez, de la méchanceté. Parce qu'il ne voulait pas que la semence va rencontrer la gamète mâle pour produire un enfant. Donc le simple fait que quelqu'un versait le spermatozoïde au sol, empêcher, ou mieux encore, dans notre langage modèle, le simple fait que quelqu'un utilise le condom pour empêcher la grossesse était passé par la peine de mort devant le Seigneur. Le monde est foutu, comme le Seigneur le disait. Vivons, formidable, vivons seulement. Mais la réalité maintenant, c'est que lorsque nous entendons la pensée de Dieu, nous commençons à voir ces choses se développer dans les Saintes Écritures. Alors, en résumé, avant d'avancer, nous voyons que Dieu a la pensée et le dessein et la destinée de l'homme avant même qu'il ne soit conçu dans le ventre de la mer. La matérialisation de cette personne qui venant sur la terre, c'est un passage où l'homme esprit vient pour incarner dans un corps avec une âme pour sortir, pour accomplir la destinée de Dieu. Une personne donc qui se met à avorter, que ce soit le médecin, que ce soit la personne elle-même qui désire cela, c'est quelqu'un qui décide de dire directement à Dieu, je ne veux pas que ta destinée vienne sur moi. Comme dans le livre de Luc au chapitre 19, il a donné le talent aux gens d'aller multiplier, puis il est venu par la suite, il a dit au reste. À la suite du gouvernement, de sa manifestation, quand il est allé pour se faire investir et puis revenir ensuite, quand il est revenu, il a dit que pour au reste, ceux qui n'ont pas voulu que je régne sur eux, amenez-les à ma présence et égorgez-les. Donc il y a des gens qui délibérément ne veulent pas le règne du Seigneur Jésus-Christ sur leur vie. Vous voyez? Et ils décident donc d'en découdre avec les lois de Dieu pour en payer les conséquences. La conséquence, c'est que Jésus-Christ a appelé ceux-là qui ont refusé de régner sur lui, qu'il règne sur eux, de les égorger en sa présence. Sur le jugement. Dans la Bible, dont nous voyons dans le livre d'Exode, chapitre 23, le verset 26, Dieu donnant une promesse à Israël que si Israël reste dans la prière, reste dans l'obéissance, la Bible déclare qu'il n'aura point dans leur famille, dans leur pays, une femme qui avorte. L'avortement ici, dans le sens biblique, ce sont les fausses couches qu'on expérimentait dans tous les autres peuples. Dieu donc dit qu'il va même empêcher qu'il y ait des fausses couches. Par prophétie, il lui donne une promesse pour le rassurer que les enfants qui seront dans le ventre des seins maternels ne vont pas sortir par suite d'une certaine façon. Mais aujourd'hui, les enfants restent même là-bas, les gens provoquent pour qu'ils sortent. Comme on a vu tout à l'heure avec le cas de l'aspiration, la médication, l'injection et puis la chirurgie. Enfin, je crois que nous allons parler aussi la chirurgie pour extraire l'enfant. Donc, nous voyons effectivement que Dieu a promis dans ce livre d'Exode, chapitre 23, verset 26, qu'il va le faire. Mais maintenant, à contrario, quand Israël était dans la prostitution, dans le livre d'Exode, je ne sais pas si je vais vite là parce que ça sort vraiment qu'on la maîtresse, on entend de parler là maintenant. Je vais vite là, frère. Je crois que le frère Yassine, sa caméra est calée. Donc, frère Iba, c'est pas trop rapide, non? Ça va. Oui, parce que je suis sous pression parce que les gens du Canada ne font qu'écrire là-bas parce que j'ai l'air de franchir sur leurs airs. Alors, étant donné, donc, dans Exode chapitre 23, le verset 26, Dieu donne une promesse à Israël que s'ils obéissent, qu'ils marchent dans ces lois-là, il n'y aura point de femmes qui avortent dans son pays. Et en plus, même Dieu avait même promis qu'il n'y aura même pas les fausses couches, même parmi les bêtes. Donc Dieu s'est assuré même de la naissance et de la multiplication de leurs cattle, de leur bétail. Donc Dieu s'intéresse à la gynécologie bestiale. Dieu s'intéresse à la gynécologie de l'homme et par conséquent, il a su pour pérenniser la postérité. Dieu se donne la possibilité et les moyens pour pouvoir préserver afin que les enfants ne sortent pas. Mais la médecine aujourd'hui a dit que non. comme Dieu n'est pas physique, avant qu'il ne vienne pour nous taper, on va aller donner le médicament pour qu'il sorte. Il donne d'abord, une fois de plus. C'est donc pour cela que vous allez voir un sage-femme à l'issue des fréquentations, dans un site, sur un site français, on donne le droit aux gens de se poser les questions. Et la loi française dit que quelqu'un n'a pas besoin, une fille n'a pas besoin d'être majeure pour pouvoir aller avorter. Elle peut le faire, mais pourvu que le juge dit, elle puisse être accompagnée par quelqu'un de majeur pour l'assister. Pas automatiquement. Elle n'a pas le droit de dire à ses parents, elle n'est pas obligée de dire à ses parents. Donc, ouais, effectivement, qu'on a fait pour toucher toutes les couches de la société. Si une fille de 13 ans tombe enceinte, elle peut aller savoir, avorter tranquillement sans dire à ses parents. Vous voyez quelle société nous avons. Petit à petit, comme ça, là, on donne aux gens de vivre une liberté sexuelle parce que même si l'enfant entre, ils vont aller savoir avorter. Les gens ne voient pas le danger donc, de toutes ces choses, non seulement physique, spirituel, intellectuel, mais aussi maintenant pour le cadre des jugements parce que ça, c'est le meurtre. C'est ce que la Bible sanctionne par tu ne tueras point. Tu ne tueras point est appliqué à toute personne qui pourra soustraire une ou un autre être de sa vie d'une façon ou d'une autre. Personne n'a le droit de soustraire une vie à une personne, même si cette personne-là est atteinte d'une maladie trisomique ou bien d'une certaine malformation dans le de fœtus, sous quelque forme que ce soit. Dieu n'a pas donné le droit à quelqu'un d'ôter une vie parce que personne ne peut donner une autre vie. Alors, dans le livre des Juges, chapitre 13, encore, nous voyons ici que Manoac, un couple qui n'a pas d'enfant, et qu'un ange, un de ces jours, vient le rencontrer, la femme dans le champ, en lui disant de ne pas prendre de liqueur forte ni de l'alcool parce qu'elle va concevoir un fils. Et on va lui donner le nom de Samuel. Enfin, cet enfant-là sera un sacrificateur devant Dieu et on ne doit pas couper ses cheveux depuis sa naissance jusqu'à ce qu'il meure. Et nous allons voir donc que Samson sera un puissant sauveur à Israël, un puissant libérateur que Dieu va utiliser. Qu'adviendrait-il si la maman de Samson concevait cet enfant et que par suite des malveillances, les médecins lui disent que non, comme c'est ta grossesse à la vieillesse, ta contraception, l'accouchement par voie basse serait difficile et ça peut entraîner ta mort avec le diagnostic de l'hôpital, comme vous le faites, vous, les hommes en blanc. Et puis on diagnostique maintenant que comme il a avancé en âge pour le cas de Sarah, remarquez bien que vous pouvez toucher le cas de Sarah pour parler d'Isaac, pour une femme d'avancer à 90 ans pour déconcevoir. Vous savez bien les statistiques médicales et les résultats que vous allez leur dire que non seulement c'est impossible, mais comme tu as fait comme ça, il va falloir maintenant une assistante médicale. Au risque de périr de ta vie, c'est mieux qu'on t'opère ou bien qu'on... Mais elle a accouché par voie basse, frère. Il n'y a pas eu d'opération. Que dit d'Elisabeth, la maman de Zacharie, qui a été tombée enceinte et elle a accouché dans une vieillesse avancée avec le papa avancé dont la faiblesse était considérée parmi les hommes comme les vieillards qui ne pourront plus avoir d'enfants. Dieu a prouvé médicalement et physiquement parlant qu'il était au-dessus et que sa puissance est au-dessus de toutes ces choses-là. Donc maintenant, ceux qui nous écoutent doivent comprendre que Dieu est celui qui donne la vie. Il est le créateur. Et même si vous ne saviez pas cela, sachez-le aujourd'hui, que vous l'admettez ou non, que vous le vouliez ou non, Dieu est ton créateur. Que vous essayez d'effacer de votre mémoire ou non, lorsque vous êtes dans les difficultés, vous dites, mon Dieu, mais l'exclamation là montre en vous qu'il y a quelque chose en vous qui cherche Dieu. Vous devez vous revenir à l'ordre et vous repentir. Dans le livre des Galates, chapitre 1, dont nous voyons encore l'apôtre Paul avec cette même rhétorique. Il dit que vous savez quelle était ma conduite dans le judaïsme, comment j'étais avancé plus que le Père. Mais il dit cette parole, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein maternel. Vous voyez? Donc l'apôtre Paul dit clairement qu'il a été mis à part dès le sein maternel. Dieu l'avait mis à part. Donc Dieu l'avait préservé, Dieu l'avait consacré, Dieu l'avait choisi dès le sein maternel pour se révéler à lui plus tard. Qu'adviendrait-il si la maman de Paul l'avait interrompu? Où est-ce que nous serons aujourd'hui? Les 14 livres du Nouveau Testament écrits par lui, nous n'en serons pas là aujourd'hui pour avoir la révélation de Dieu dans le monde entier. Vous voyez effectivement que si un médecin de cette époque-là, celui que l'avait rencontré quand il était dans le vent, il dit à la maman de Paul que ce garçon va être un garçon turbulent. Le diagnostic qu'on fait sur son cerveau, c'est que ce sera un garçon déréglé qui va te causer beaucoup de problèmes. On aurait perdu un grand monument pour la rédemption du monde, n'est-ce pas mes frères? Parce qu'il était chargé d'aller annoncer la lumière dans les nations. N'en parlons pas de Marie, n'en parlons pas de Joseph et Marie, avec l'enfant Jésus dans le ventre. Alors, vous voyez effectivement comment Satan n'a pas pu le voir dans le ventre, a voulu le tuer quand il était petit. Donc Satan c'est un meurtrier de tous les niveaux, dans tous les sens du terme. Vous êtes avec moi mes frères? Amen. Médecin dans la sainteté, bonsoir. Dans Matthieu chapitre 19, les versets 13 à 15, Jésus nous donne une révélation là-bas concernant les petits-enfants. Après avoir donné les préceptes sur le mariage et toutes les autres choses là-bas par rapport à ce qui était écrit sur le mariage, il a scandalisé les juifs et puis il a quitté là-bas. La Bible déclare qu'on a amené les petits-enfants vers lui et les disciples ont commencé à vouloir empêcher les enfants pour ne pas venir. Oh, les enfants vous dérangez, allez jouer là-bas, allez jouer au football là-bas. Jésus a dit, n'empêchez pas les enfants à venir vers moi. Or, ces enfants, avant qu'ils ne soient enfants, ils ont passé par une étape appelée fœtus. À une étape des liquides, des gamètes, ainsi de suite, ils ont suivi des étapes pour arriver là-bas. Tout comme toute plante, que vous semez le maïs, il y a des différentes étapes. Donc, toute interruption d'évolution dans cette étape-là, c'est la destruction de l'espèce qui devait se pérenniser. Vous prenez un grain de maïs, vous vous dites, oh, j'ai faim. Si vous mâchez ces grains de maïs pour manger, ou bien cette graine, prenez le cas d'arachide qui est mangé cru. Vous mangez ces graines d'arachide-là, vous pouvez manger, vous satisfaire maintenant parce que vous avez goûté de l'arachide pour un peu de temps. Mais si vous semez cet arachide-là et vous y patientez, ça produit, ça va produire des gousses d'arachide et que vous multipliez encore, ça va multiplier au fini, ça pourra vous donner un sac. Donc croquer un seul grain de maïs, c'est l'avortement de toute la race qu'on a détruite comme ça, vous voyez cela. Donc il y a même l'avortement même des semences. Mais pourtant, nous, on doit se nourrir, n'est-ce pas? Mais Dieu nous a donné cela comme nourriture, donc ce n'est pas une interdiction. C'était justement pour présenter effectivement que... Oui, mon frère Eba, tu voulais parler. Non, non, frère, non. Je riais plutôt de ce que tu disais. Ouais. Alors, donc, le Seigneur nous présente donc, dans le livre de Matthieu, chapitre 19, donc là, verset 13 à 15, quand on empêchait les disciples, quand on empêchait les enfants de venir vers lui, il a dit, laissez les enfants venir à moi parce que le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Donc, vous voyez effectivement que Dieu a typifié les différences au point où il a rabaissé le royaume de Dieu au niveau de ses enfants. Alors, et là, plus tard dans les évangiles, il va nous dire clairement qu'on prenne garde de la manière qu'on traite ces enfants-là, parce qu'il dit une chose terrible, leur ange voit la face de Dieu dans le ciel. Leur ange voit la face de Dieu dans le ciel. N'est-ce pas terrible, frère? C'est grave, frère. C'est terrible. Leur ange voit la face de Dieu dans le ciel. Qu'est-ce que le Seigneur voulait dire par leur ange voit le face de Dieu, se tient devant le Seigneur, dont leur défenseur est puissant. C'est pour cela que l'enfant qui pleure. Remarquez bien, si vous lisez dans le cadre de Genèse chapitre 13 jusqu'au Genèse chapitre 17, vous allez voir quand Agar sera chassé de chez Abraham. Quand elle va aller dans le désert, l'enfant va crier. La Bible déclare que cette femme avait tellement soif et son enfant avait soif au point où elle a déposé l'enfant sous l'arbre pour voir. Quand l'ange de l'Éternel a parlé, l'ange de l'Éternel dit qu'il a entendu la voix de Dieu, n'a pas entendu le cri de Agar. C'est l'ange de l'Éternel qui a parlé à Agar pour dire que l'enfant, j'ai entendu le cri de l'enfant. L'enfant pleurait avec le langage pour invoquer Dieu. Et Dieu est venu répondre à l'enfant, au cri de l'enfant. Mais restons dans la sainteté, bonsoir. Bonsoir, frère. Bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir, frère. Voilà. Amen. Alors, au finish de cet enseignement ce soir sur, concernant l'interruption volontaire des grossesses, nous voyons effectivement que dans la définition même du mot, il y a un problème. Si c'est une interruption volontaire de grossesse, Satan veut que les gens soient culpabilisés devant le Seigneur. C'est vrai qu'il veut que ce soit une volonté venant de leur volonté propre. C'est pour ça que dans ces lois-là, il est dit clairement que chacun doit exercer ces lois-là de façon libérale. Donc on pousse les gens une chaque fois en montrant que c'est comme si vous pensez que vous êtes tellement bien dans cette chose-là, alors qu'on va vous pousser plutôt à la faute. Mais qu'est-ce que la Bible déclare? Telle voie paraît droit à un homme, mais son issue, c'est la mort. Donc peut-être on pourrait prendre cela comme la loi. Peut-être vous nous écoutez maintenant. Et vous pensez que vous avez le droit de faire n'importe quoi. J'ai fait de ma vie ce que je veux. Quand vous dites cela, sachez que vous citez comme ça un verset satanique. Parce que la Bible déclare dans le livre de Jérémie, chapitre 10, verset 23, « Je le sais, ô éternel, parce que ce n'est pas à l'homme de diriger ses pas. Ce n'est pas à l'homme lorsqu'il marche à diriger ses pas. » Donc c'est l'éternel qui conduit les pas de l'homme. Mais la Bible déclare, l'homme petit comprend cela. Alors si vous n'avez pas compris que c'est Dieu qui vous préserve, c'est Dieu qui vous dirige chaque fois. C'est Dieu qui a votre choix. Je crois que vous m'entendez, vous tous, vous... Le frère, oui, okay. Voilà. Oui, c'est bon. Donc, si les gens nous entendent et qu'ils savent, qu'ils comprennent, avec peut-être Lazare a été trompé par le scientifisme, par le développement de cette vie-ci, qu'ils comprennent maintenant que Dieu les veut à la repentance. Dieu a dit dans la Bible, dans les 10 commandements, tu ne tueras point. Bien plus encore, il y a des aspects des meurtres. Par exemple, dans le livre de 1 Jean chapitre 3, le verset 15, la Bible déclare que celui qui hait son frère est un meurtrier. Donc, la Bible nous présente d'abord, grosso modo, dans les commandements de Dieu, dans le livre d'Exode, chapitre 20, tu ne tueras point. Tuer, c'est une expression pour montrer, effectivement, supprimer la vie. Maintenant, dans la Bible, donc, on va voir tout genre d'aspects, comment on peut faire pour supprimer la vie. L'un des aspects, donc, c'est la haine. Donc, le simple fait de haïr quelqu'un montre clairement que tu es un meurtrier. Combien donc interrompent l'existence? Supposons un peu, un temps soit peu, que Dieu avait fait interrompre, ou bien quelqu'un avait interrompu l'enfant Jésus. Où serait le salut du monde? Si le médecin avait déclaré que Marie, comme elle est vierge, là, elle n'a pas encore l'âge d'enfance, son bassin n'est pas encore assez bon pour recevoir le nouveau-né. Donc il faut expulser ses fautistes qui pourra la déranger. Qu'est-ce qu'il en serait? Prenez le livre si vous prenez le temps de lire le livre des Jean au chapitre 9, vous allez voir quelqu'un là-bas dont les gynécologues modernes, enfin d'antan, ont fait le diagnostic et ont vu que l'enfant va naître aveugle. Quels sont les gens de la société occidentale qui, voyant donc que l'enfant n'aura pas la faculté visuelle suffisante, ou mieux encore que les yeux sont fermés, ils vont dire, quoi, médicalement, on ne peut pas résoudre ce problème-là. On va proposer à la maman que, est-ce que tu es prête à souffrir et prendre en charge cet enfant? La prise en charge va prendre beaucoup de soins, beaucoup de sous au gouvernement. On vous propose donc de signer ici l'engagement, fiche d'engagement, que vous allez prendre soin par votre propre moyen et le gouvernement s'en désengage, ou bien vous supprimez cet enfant. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui en Europe, vous voyez, avec ces lois-là. Et qu'est-ce qui se passe dans le livre des Jean au chapitre 9? Dans le livre des Jean au chapitre 9, à partir du verset 1, donc, la Bible déclare qu'on a trouvé là-bas un aveugle de naissance. Aveugle de naissance, il est né aveugle. Donc, dans le ventre de sa mère, il était déjà aveugle. Maintenant, le diagnostic des foetusards, ceux qui fouillent des foetus, ils fouillent les foetus, s'ils voient cet œil-là, si c'était notre moderne, ils vont dire qu'on supprimait l'enfant. Donc, je prenais cela pour prendre, pour renchérir par rapport à rebondir sur ce que la, quoi, notre soeur Ren a dit, les justifications de l'avortement médical. Pour montrer, parce que ça, dans la Bible, il s'agit là de l'aveuglement. D'autres sont nés dans la Bible avec quoi? Ils sont boités de naissance. C'est ce que la Bible déclare. Dans le livre des Actes, chapitre 4, chapitre 3, on voit quelqu'un qui était boité de naissance, qui était là, il a grandi, il est né, il a grandi comme ça jusqu'à 40 ans. Maintenant, cette personne ici là-bas, la malformation congénitale pouvait avoir des effets sur lui. Peut-être la bombe d'Hiroshima a dû faire les modifications au point où son pied est tordu à l'intérieur, ou bien peut-être la maman a fait une chute et puis le foetus a bousculé, ou bien une maladie contagieuse chromosomique qui se trouve sur lui. On voit que l'enfant sera zinzin sur ce autre plan. Qu'adviendrait-il si on supprimait ses enfants? Maintenant, Dieu dit, le Seigneur dit, on lui a posé la question. Parce qu'on croyait que ici c'est le péché qui a fait que cet enfant se naisse comme ça. Il a dit que ce n'est ni parce qu'il a péché, ni parce que ses parents ont péché. Vous voyez? Et il dit clairement, c'est le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, qui le révèle. Il dit que c'est afin que les œuvres de Dieu soient accomplies en lui, soient manifestes en lui. Donc Dieu, de façon libérale, a permis que cet enfant se naisse avec cet handicap pour manifester sa gloire. Mais, souvenez-vous, Dieu n'a pas manifesté sa gloire tout juste à sa sortie du monde. Il a attendu qu'il naisse. Il grandit avec tous les déboires qu'on peut avoir dans le monde entier, dans le monde, les déceptions, les moqueries, jusqu'à son âge majeur pour qu'il vienne le trouver ce jour-là, manifester sa gloire pour qu'il voie, afin que la gloire de Dieu se manifeste. Donc, si vous avez un enfant avec vous, vous êtes tombé enceinte par suite du viol, prenez courage, c'est une faute. Personne parmi nous, y compris même les personnes que vous aimez, personne n'a jamais été non coupable devant le Seigneur. Nous tous, sans exception, avons été coupables. Et le Dieu qui condamne l'homosexualité, condamne l'avortement, condamne la haine, condamne ceci. Donc tu es dans seulement dans un attribut. Ton attribut pour l'instant, si tu nous écoutes, c'est parce que tu veux avorter, parce que tu as commis le meurtre. Ce n'est pas la fin de ta vie. Tu n'as pas péché, tu n'as pas péché le péché impardonnable. Si tu es médecin et tu as exercé dans ce domaine-là, tu n'as pas commis le péché impardonnable. Mais à l'instant où tu entends maintenant, tu peux te repentir. Tu dois te repentir et te réconcilier avec le Seigneur. Si tu m'écoutes maintenant et que tu as déjà pratiqué les avortements, beaucoup de femmes m'écoutent maintenant, elles sont dans les foyers, cherchent des enfants, ne se voient pas, mais n'osent pas dire dans leur confession que c'est pas suite du fait que dans la jeunesse, elles ont eu à beaucoup avorter. N'osent pas dire cela. Confessez vos péchés, repentez-vous devant le Seigneur et croyez au Seigneur pour qu'il vous donne un autre sein par rapport à ces choses-ci. Alors, en somme, que vous ayez commis l'avortement, que vous ayez poussé les gens à le connaître exactement, il y a des femmes, des spécialistes là-bas dans les marchés, que le marché d'Abobo et autres là-bas, qui connaissent tous les genres de médicaments pour avorter. Vous voyez, les gens sortent le grand matin, ils se trouvent des foetus lancés quelque part dans les bacs à ordures. Que vous ayez fait cela, que vous soyez été le conseiller, le médiateur entre vous et les meurtriers, que vous soyez des spécialistes de ceux qui commettent de telles choses, le Seigneur Jésus vous aime, c'est pour vous qu'il est venu. Il est venu pour, comme un grand médecin, il a besoin de vous. Si vous avez besoin de lui, il peut réconcilier et nettoyer votre vie sain et sauf devant lui, au point où vous devenez sain devant lui, irréprochable. Tout simplement, ce que vous avez à faire, c'est reconnaissez ce que vous avez fait, que c'est mal, acceptez cela, demandez pardon au Seigneur, et son sang qui a versé à la croix parlera aussi en votre faveur par rapport à l'intercession. C'est tout ce que vous devez faire. Si vous ne le faites pas, alors cette voix que vous venez d'entendre, avec toutes ces explications que vous allez entendre, vous avez entendu, et tous les autres corollaires que vous avez suivis quelque part, vont vous amener en trône de jugement, vous n'aurez plus jamais les justificatifs. Donc, toi jeune homme, toi jeune fille qui nous écoute maintenant, si tu ne savais pas que l'avortement est un meurtre, c'est soit où tu as compris que lorsque à la rencontre de la gamète mâle et femelle, la vie est déjà là. Donc, il n'y a pas de justificatif que c'était le spermatozoïde. Parce que la Bible nous a montré dans Exode, dans Genèse chapitre 38, que quand un homme même a versé le spermatozoïde, ça n'a même pas encore touché le gamète mâle. Quand c'est tombé au sol, Dieu l'a puni parce qu'il n'a pas versé la semence là où il fallait verser. Médecin dans la sainteté, bonsoir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je m'excuse d'avoir pris votre temps ce soir et de vous avoir retenu pour longtemps. Non. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Wow. Il est 1h55 ici à Douala. Je dois travailler avec ceux du Canada maintenant pour travailler demain matin 9h avec la France. Vous permettez donc que je vous laisse ce soir. D'accord, parfait. Que le Seigneur te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Shalom, shalom, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. I am the God that healeth thee. I am the I sent my word and healed your disease.